Livre 4e. Conséquences du vaccin. Chapitre 1er. Variolée interne, dite fièvre typhoïde. Il se produit, dans un grand nombre de cas, comme première conséquence de la répercussion causée par le vaccin, une variole interne, c'est-à-dire cette fièvre typhoïde, maladie presque inconnue avant la vaccine, et dont l'apparition a pris la faculté au dépourvu. Aujourd'hui seulement, mais sans remonter à la cause, on commence à s'accorder sur ce fait que nous signalons depuis 1839, à savoir que cette fièvre typhoïde n'est qu'une variole retournée. Longtemps on a méconnu, il en est même qui méconnaissent encore, les caractères de cette affection, trompée par une certaine analogie de quelques symptômes, on l'a confondue jusqu'à présent avec la fièvre putride ou adynamique des anciens, dont les caractères sont pourtant différents. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les désastres que cause chaque jour, cette affection devenue aujourd'hui réellement endémique chez les jeunes sujets, il s'agit seulement d'en faire ressortir bien nettement la théorie. Cette maladie, qui fait aujourd'hui le désespoir de la médecine, est plus fréquente et certes beaucoup plus grave, que n'a jamais été en aucun temps la petite vérole, elle avait été du reste parfaitement prévue avec son véritable caractère, et même observée par Azay. Ils comprenaient et suivaient dans tous leurs détails, les dangers de la petite vérole aux prises avec une répercussion quelconque. Nous savons, disait-il, nous savons à n'en point douter, et l'observation le démontre, que l'intégrité de la peau est moins essentielle à la conservation de l'homme que celle des organes intérieurs, tels que l'estomac, les poumons, les intestins, etc., qui ne sont point attaqués de la petite vérole sans danger pour le malade, au lieu que la peau reste sans aucun. D'où on peut conclure qu'il y a moins de risques, que la peau soit couverte de pustules de petite vérole, que l'estomac ou les intestins, etc. Le danger qui résulte d'un affaissement subi dans le visage, et les mains qui s'étaient d'abord enflées, la nécessité qu'il y a que ces parties s'enflent, la mort qui est souvent l'effet d'une résorption subite de la matière variolique, l'ouverture des cadavres dans ce cas, tout confirme qu'il y a moins à craindre d'une éruption de pustules varioliques à la peau que d'une éruption de la même matière sur les organes internes. De là, la nécessité de pousser la petite vérole du côté de la peau, c'est-à-dire de favoriser l'éruption vers ses couloirs. Cette page bien comprise établit clairement, et d'une manière incontestable, le caractère vrai de cette nouvelle fièvre typhoïde. Cette affection n'était autrefois qu'un accident rare que le vaccin a rendu à la fois endémique et épidémique. On a agi exactement dans le sens contraire au principe, et à la manière d'agir des anciens. Les anciens, dit Azay, avaient soin de préparer la peau, d'en ramollir le tissu par toutes sortes de moyens, par des secours externes et internes, afin de favoriser l'éruption de la petite vérole. Razé faisait éclore heureusement la petite vérole avec un bain de vapeur donné avec beaucoup d'art, une pratique de 80 ans, lui en avait appris l'avantage et la nécessité. Razé à ce propos explique la façon dont il faisait prendre les bains de vapeur, et il est assez curieux de remarquer que son procédé est, à peu de détails près, le procédé actuel, qui, on voit, n'est pas d'invention moderne. Razé plaçait avantageusement son malade, ou sur une chaise, ou sur un siège quelconque, enveloppé d'une couverture ou d'une toile fermée au cou au moyen d'une boucle, de façon que tout le corps, à l'exception de la tête, est exposé à une vapeur douce, égale, qui touche tous les points de la surface, et forme une atmosphère chaude. Ce bain ouvre peu à peu les pores, ramollit le tissu de la peau, facilite la transpiration, et ouvre tous les conduits de cet organe, sans inconvénient, sans danger pour le malade, de la manière la plus avantageuse, et la plus capable de favoriser l'éruption de la petite vérole. Peut-être, dit à ce sujet Paulet, traducteur de Razay, peut-être Razay avait-il observé, que de cette manière il y a moins de pustules au visage, et qu'elles se répandent également sur la surface du corps, où toute la matière variolique se trouve dispersée et semée également, et cela étant, il pouvait avoir deux vues, de conserver la vie et la beauté en même temps. On peut donner le bain de vapeur plusieurs fois, rien n'est plus propre à faire sortir heureusement la petite vérole, on peut même le donner après l'éruption, il sera avantageux dans toutes les circonstances, à tous les âges, et dans tous les temps, et toujours sans inconvénient et sans danger. Après ce bain de vapeur, il ordonne d'essuyer légèrement la peau avec des linges doux et secs. Tandis qu'il ouvrait les portes à l'ennemi, il lui donnait la chasse intérieurement, avec des corps qui lui sont contraires, tels que les froids. Ainsi il faisait boire abondamment aux malades de l'eau froide à petite dose, enfin il venait à bout de le chasser hors du corps. L'expérience a toujours appris que l'application d'un corps froid faisait fuir pour ainsi dire la petite vérole, et l'éloignait de toutes les parties qu'il touchait, l'impression extérieure de l'eau froide, ou d'un air froid, qui fait rentrer la petite vérole et empêche l'éruption, la présence de la chaleur qui semble l'attirer et qui la favorise, l'éruption qui se fait sur un cadavre exposé dans un endroit chaud. Tout rend cette vérité sensible, et justifie la pratique de Razay, de là l'aphorisme sur cette maladie, frigu interne, calor externe. Les Arabes s'occupaient même de la conservation de la beauté, Razay et Avicenne conseillaient de piquer avec la pointe d'une aiguille d'or les pustules de la face, afin de les vider et les empêcher ainsi de caver et de laisser des cicatrices, on a négligé dans ces derniers temps, et à grand tort ce procédé. Lorsqu'elles sont arrivées à leur état de maturité, disent-ils, plongées au milieu de la pustule, que vous traversez de part en part, une aiguille d'or ou d'argent, et essuyez avec du coton, ou du linge cette matière qui est forte et corrodante. Ouvrez ainsi toutes les pustules du visage, et quand elles sont vides, touchez-les avec un mélange d'huile et d'eau de chaux. De cette manière, non seulement vous évitez les difformités du visage, mais vous empêchez cette matière d'être repompée dans la masse du sang, ce qu'il faut toujours craindre. Point. Boerhaave comprenant, lui aussi, la nécessité d'une préparation du tissu, conseille les fomentations émollientes à la peau, avant l'éruption, afin de faciliter la sortie des pustules. Nous, au contraire, les vaccinateurs du moins, nous avons resserré, en quelque sorte feutré le tissu, et nous avons préféré conserver l'intégrité de la peau, plutôt que l'intégrité des organes internes. Le doute n'est pas permis, telle est bien la théorie vraie de cette nouvelle fièvre typhoïde, qui ne s'adresse jamais qu'aux sujets jeunes et vigoureux, apparaît aux mêmes saisons que la variole externe, se développe souvent en épidémie, au milieu des épidémies de variole. Tandis que la fièvre typhoïde, maligne, putride, ou à dynamique des anciens, ne frappe que les sujets vieux ou épuisés, n'a aucune action contagieuse, n'est jamais épidémique. Il est encore d'autres différences, mais ce que nous venons de dire suffit pour rendre impossible toute confusion entre ces deux affections. Nous ne voulons pas nous étendre sur cette question, de la nature de la fièvre typhoïde, la dernière discussion que nous avions provoquée sur ce sujet en 1839, a établi que la vaccine a déplacé, et non supprimé la mortalité de la variole, nous nous attachions à démontrer, que le sujet préservé de la petite vérole pendant son enfance, est souvent ressaisi dans sa première jeunesse par la fièvre typhoïde. Ou même par la variole, car les deux affections se produisent au même âge, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la variole répercutée une première fois reparaît de vive force, ou, encore repoussée, se développe à l'intérieur. Nous prouvions le fait par la théorie et par l'expérience. 10 ans plus tard, un officier d'artillerie, statisticien fort distingué, M. Carnot, dressait les tables de mortalité, essais de mortalité comparés avant et depuis l'introduction de la vaccine en France, par N. Carnot, brochure inuite. Autun, 1849, avant et après l'introduction de la vaccine, sans prendre parti dans la question médicale. Il établit, par des statistiques judicieusement comparées, que la mortalité de l'enfance diminuée, par le vaccin sans doute, se reporte sur l'âge adulte. Il prouve en réalité que la mortalité de la jeunesse a doublé. Laissons parler M. Carnot, lorsque Genet inventa la vaccine, dit-il, il dut croire que cette découverte serait un immense bienfait pour l'humanité, en voyant la mortalité réduite d'un tiers dans les premières années de l'existence, peut-être espérait-il que la vie moyenne allait suivre ce rapport, et, sous cette bienfaisante découverte, s'accroître presque de moitié. La Providence ne l'a pas voulu. Elle n'a pas même permis que la vieillesse stérile payât la rançon, la mort prélève aujourd'hui, sur la jeunesse laborieuse et féconde, le tribut que la petite vérole imposait autrefois à l'enfance. Tel a été pour la France le résultat réel de la découverte de Genet. La mortalité, dans l'âge de 20 à 25 ans, a augmenté de moitié depuis 30 ans. Le mouvement, dit M. Carnot, que la vaccine a produit dans la répartition de la mortalité entre la naissance et l'âge de 41 ans est pour ainsi dire un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Cet axe est l'âge de 12 ans, dont la mortalité relative, restée invariable au milieu du désordre des âges inférieurs et supérieurs, a conservé à Paris, avant comme après l'introduction de la vaccine en France, son chiffre normal 0,064. Ce n'est donc qu'à partir de l'âge de 12 ans, que la mortalité relative a augmenté, et comme la vaccine a commencé à se répandre en 1800, il en résulte que de 1800 à 1805 la mortalité était dans une progression décroissante, et que c'est à peu près vers 1816. Ou 1817 qu'elle est entrée dans la période croissante où elle se maintient depuis 30 ans. Ainsi la mortalité relative annuelle de la jeunesse de 20 à 30 ans devait être à Paris 0,011, comme dans le XVIIe siècle. Le relevé du décès dans cette ville en 1846 porte ce chiffre à 0,023. Cet accroissement a dû se faire par degrés, en suivant pendant 30 ans une progression arithmétique. C'est également à partir de ces années qu'on a vu augmenter le nombre des maladies que nous avons signalées. M. Carnot fait judicieusement observer que si les tables de mortalité de Montferrand, de Duvillard et les autres ne donnent pas le même résultat, c'est tout simplement parce qu'ils prennent des moyennes générales sans relever la progression croissante de la mortalité à certaines périodes de l'âge. M. Bousquet, en parlant de l'influence de la vaccine sur la population, fait cet aveu. La plupart des vaccinateurs, qui n'ont pas craint d'aborder cette grave question, se sont plu à rechercher, dans les derniers résultats de la vaccine, la preuve de son utilité. On a donc supputé les pertes causées par la petite vérole, et l'on a dit que la vaccine conservait à la société juste autant de membres que la variole en aurait retranché. Au premier coup d'œil, rien de plus naturel, rien de plus logique que ce raisonnement. En y regardant plus attentivement, on est tout étonné de voir qu'il n'existe aucun rapport entre le principe et la conséquence. Autrefois la variole enlevait un dixième des enfants, or ce dixième aujourd'hui étant préservé par le vaccin, la population aurait dû s'accroître proportionnellement. Eh bien, il n'en est pas ainsi, or que devient ce dixième? Comment cela se fait-il? C'est à l'économie politique à nous l'apprendre. À l'économie politique, non pas, Monsieur Bousquet se trompe, c'est à la statistique qu'il faut demander les éléments précieux, indispensables de la discussion, mais la médecine seule peut et doit donner le mot de l'énigme. Aussi Monsieur Carnot, après ses intéressants travaux, fit-il un appel aux médecins pour les engager à entrer dans cette nouvelle voie de recherche. Quelques-uns répondirent à cet appel, entre autres le docteur Béillard, qui soutint, en effet, que la fièvre typhoïde, dans bien des cas, remplace la variole pour les sujets vaccinés. Il s'éleva alors une polémique. Nous citerons seulement, à propos de ce débat, les trois propositions dans lesquelles M. Béillard croit devoir se résumer. Union médicale, 12 août 1854. 1 degré, les épidémies de variole et de fièvre typhoïde ne règnent jamais ensemble. 2 degrés, la variole et la fièvre typhoïde ne frappent qu'une fois le même sujet. 3 degrés, un sujet qui a été atteint de la variole ne l'est pas plus tard de la fièvre typhoïde, et vice-versa. Dans notre brochure, en 1839, nous répondions déjà à M. Bousquet, s'il veut établir une nouvelle statistique pour s'assurer de la diminution ou de l'augmentation de la mortalité, il trouvera que le dixième qui lui manque a succombé aux affections que la vaccine a fait augmenter, il trouvera également une variation dans la mortalité de différents âges. Ainsi, il mourait autrefois un bien plus grand nombre d'enfants, depuis un an jusqu'à 7 ans, qu'il n'en meurt aujourd'hui. Mais le nombre des jeunes gens qui succombent aujourd'hui à l'âge de 19 à 25 ans est augmenté dans une proportion triple. De la petite vérole, considérée comme agent thérapeutique des affections scrofuleuses et tuberculeuses, Paris, 1839, page 112. Point. Nous ne discuterons pas la première assertion qui est simplement erronée. L'adversaire de M. Béillard, M. Perrin, s'est attaché à prouver que ce fait ne démontre nullement l'identité des deux maladies, sans doute, mais on se rappelle que nous avons établi tout au contraire, que les épidémies de variole et de fièvre typhoïde se confondent et qu'il semble évident que le même principe ou contagieux ou spontané produit selon la constitution du sujet ou selon le degré de force de la vaccine simple ou renouvelée, soit une variole, soit une fièvre typhoïde. Maintenant prenons la seconde proposition, qui est combattue non plus par des raisonnements, mais par des statistiques précises, et que nous ne songeons pas le moins du monde à contester. On nous montre par une série d'observations contemporaines que des sujets variolés sont atteints de la fièvre typhoïde, que des fièvres typhoïdes se déclarent sur des variolés à peine guéris, que la variole se produit après la fièvre typhoïde, le tout indistinctement sur des sujets vaccinés ou non vaccinés. Oui, cela est vrai, toutes les fois que l'élimination variolique n'a pas été complète, il peut, il doit le plus souvent se produire une petite vérole anormale, c'est-à-dire une de ces affreuses maladies, qui sont la conséquence de la répercussion variolique, le plus communément, la fièvre typhoïde, c'est le cas des secondes de variole. Concluons donc, c'est qu'un nombre de fièvres typhoïdes après variole ou vice-versa, sont une preuve de plus de la nécessité de l'élimination variolique, que la nature tient à accomplir complètement et à toute force, par toutes issues, une preuve de plus de la persistance invincible de cette puissante fermentation. Elle a été entravée une première fois, une partie de la matière variolique a été rejetée dans l'économie, après un certain laps de temps, la crise doit se reproduire sous n'importe quelle forme, c'est simplement la récidive variolique si rare autrefois, si commune de nos jours. L'explication est bien facile, ces récidives sont dues uniquement, et du reste le plus rationnellement du monde, au traitement antiphlogistique ou rafraîchissant, en réalité abortif, qu'à présent on applique d'habitude à la petite vérole. On se rappelle en effet qu'autrefois, du temps du traitement sérieux, favorable à l'élimination variolique, recommandé par les anciens, les cas de récidive variolique étaient rares à ce point que la plupart des médecins affirmaient n'en avoir jamais observé dans le cours de leur pratique. Aujourd'hui, c'est tout différent, rien n'est plus commun, les vaccinateurs en ont même fait un argument pour excuser le vaccin des varioles après vaccine. Contrairement aux recommandations d'Ambroise Paré, on emploie aujourd'hui un traitement antiphlogistique destiné à contrarier l'éruption, n'ayant d'autre but que de combattre le mal du moment, traitement en réalité répercussif. De là les varioles supprimées ou avortées, ou seulement incomplètes. La conséquence en est naturelle, le traitement agit dans le même sens que le vaccin, il produit les mêmes résultats. Le vaccin concentre dans l'organisme toute la matière hétérogène, moins heureux, le traitement abortif en maintient seulement une partie et laisse après lui des accidents proportionnés à son succès, c'est-à-dire des ophtalmies, des engorgements ganglionnaires, des abcès, etc. Or, il n'est pas difficile de comprendre que ces dépôts morbides, qui peuvent sembler en quelque sorte la matière variolique laissée en route, sont une trace du travail éliminatoire qui s'est accompli, une preuve de l'exactitude de la théorie que nous avons donnée de l'épuration variolique. Ils viennent à point nous signaler justement les conduits destinés à cette sécrétion, car il nous les montre engorgés encore. Ce fait a presque toujours pour cause, disons-nous, l'imperfection du traitement qui n'a pas assez soutenu l'action de la nature. En effet, les observations de secondes de variole sont devenues fréquentes seulement depuis que, loin d'aider l'éruption, loin de pousser l'organisme à un dégorgement salutaire, on fait avorter la crise. Citons en particulier les expérimentations de M. Serre, se laissant aller à considérer la petite vérole comme un simple état maladif. Le savant professeur se contenta de chercher, sans préjuger des conséquences, tout ce qui pouvait amoindrir superficiellement et abréger cet état. Il avait souvent remarqué que la lumière et la chaleur favorisent le développement de l'éruption, et qu'au contraire, les ténèbres et la fraîcheur la répriment sensiblement. Il fit l'expérience en grand. Il était alors médecin de la pitié. Il déplaça ses varioleux et les fit porter dans les salles basses de l'hôpital, espèce de cave fraîche, humide, obscure. Qu'advint-il de cette expérience ? Dit M. Bousquet, à qui nous empruntons ce document. Et il répond triomphalement, l'on vit les varioles les plus confluentes, s'amortir et la mortalité diminuer. Singulière réussite. Quelque temps après, l'administration des hôpitaux tira les varioleux de ses souterrains et les fit placer dans des salles bien éclairées et bien aérées. La variole, ajoute M. Bousquet, dut nécessairement s'aggraver dans cette situation, c'est aussi ce qui arriva, aussi rien ne manqua à la démonstration. Voilà donc le traitement des vaccinateurs, une sorte de vaccination aussi, du moins dans ses résultats, entouré, dit-il, les varioleux de fraîcheur, tenez-les dans l'obscurité. Si nous sommes en été, mettez-les dans les salles les plus basses et les plus fraîches de la maison, arrosez le parquet, jonchez-le de branches d'arbres, suivant l'usage des pays méridionaux, enfin, empêchez la lumière d'entrer sans trop gêner la circulation de l'air. Maintenant revenons à Ambroise Paré, croyez-vous qu'après un traitement pareil, les sujets auront été, comme il l'exige, purgés à suffisance pour la décharge de nature? Monsieur Serre a-t-il traité la maladie? Non, il a simplement supprimé en partie la suppuration. Est-ce là une guérison? N'est-ce pas, au contraire, la faute la plus grave qui puisse être commise en médecine, la répercussion? Aussi les conséquences sont claires et inévitables, à savoir que la petite vérole, n'étant pas bien purgée, et c'est là le point important, elle cause divers et fâcheux accidents. Le fait n'est pas douteux, outre la récidive variolique sous n'importe quelle forme, l'accident qui se produit très fréquemment, est une résorption ou métastase purulente, souvent mortelle. Ou bien, ce qui est plus heureux pour le malade, le pus se réunit, s'amasse sur différents points du tissu cellulaire, et vient former une quantité quelquefois considérable d'abcès ou clous. M. Gauthier de Clobry en a compté jusqu'à 47 sur le même sujet. Alors, sans consentir à voir la vraie cause, certains praticiens ont admis dans la variole une diathèse purulente. M. Bousquet, en parlant de ce fait, dit, la vérité est que la petite vérole dispose à la suppuration, comme elle dispose aux hémorragies. Et je ne parle pas de ces hémorragies actives, comme il en peut venir dans toutes les maladies d'irritation, j'entends des écoulements passifs d'un sang noir, diflux, sans consistance et sans plasticité. Un dernier mot, un fait curieux, parfois, la variole se déclare sous forme bien caractérisée de fièvre typhoïde, puis aboutit en variole normale, et, réciproquement, mais cela toujours, tous les prodromes de la fièvre typhoïde sont les prodromes de la variole, les premiers symptômes sont les premiers symptômes de la variole. Nous avons souvent été à même de constater ce fait, mais à notre témoignage nous joindrons celui du docteur Lanx de Waart, canton de Turgovie, dans un mémoire qu'il a publié sur les varioles qui se sont produites dans cette contrée en 1835. Il nous fournit l'observation suivante. L'épidémie variolique, dit monsieur le docteur Lanx, se compliquait souvent d'une fièvre de forme typhoïde. La varioloïde prenait aussi un caractère typhoïde. Les deux variétés, variole et varioloïde, se produisaient mutuellement suivant que les individus étaient vaccinés ou non. C'est le dernier mot de la discussion, car nous trouvons d'un seul trait dans cette remarque, la preuve la plus incontestable de l'identité absolue des trois affections variole, varioloïde et fièvre typhoïde, qui se produisent au défaut l'une de l'autre, selon que la nature est libre, ou aux prises avec un vaccin dont l'action sur la peau est plus ou moins énergique. En résumé, on ne peut maintenant douter de ce travail désespéré de la fièvre typhoïde. Outre les symptômes généraux, on voit toujours dans la dernière période de cette maladie apparaître à la peau, aux places même qu'auraient occupées les pustules, de petits points rouges semblables à des piqûres d'insectes, qui viennent témoigner des violents et derniers efforts de la nature pour expulser la matière variolique. Il est donc bien facile de suivre dans toutes ces évolutions, cette fermentation à un moment répercutée en fièvre typhoïde, puis sortant franchement en variole, ou bien tentant de se développer en variole, et répercutée en fièvre typhoïde, il est bien facile, disons-nous, de suivre ces retours de la matière variolique, soit qu'on observe les deux temps dans la même crise, soit qu'ils se présentent séparés par un laps assez long pour que le jeune praticien puisse, après avoir hésité dans son diagnostic au premier cas, voir dans le second cas deux accidents tout à fait distincts. Nous concluons donc que si la matière, loin d'être retenue ou seulement contrariée dans sa marche, obligée à des volte-face, à des temps d'arrêt, en un mot à toutes sortes de manœuvres contre nature, si, disons-nous, la matière poussée au dehors par la fermentation naturelle, est aidée par tous les moyens au service de la médecine, comme il était d'usage autrefois, dans le traitement de la variole. Il est clair que, pas plus qu'autrefois, il ne se présentera de seconde variole soit interne, soit externe. D'où il résulte évidemment que le traitement le plus logique de la fièvre typhoïde, consisterait à soumettre les sujets à une influence variolique, afin que ce levain facilitât l'éruption qui commence à se développer, ou ramenât, même dans le cas de répercussions bien déterminées, la matière variolique aux voies régulières de la grande crise. Chapitre 2. Angine varioleuse, dite gangréneuse. Angine couenneuse. Croup. Cette maladie, très commune, souvent même épidémique de nos jours, était sporadique autrefois, et les cas en étaient fort rares. Il se présentait si peu d'occasions d'observer cette affection, qu'elle était presque inconnue des médecins. Monsieur Trousseau, traitant du croup dans le dictionnaire de médecine, expose que les auteurs anciens sont fort diffus sur ce point, et il ajoute, ce n'est toutefois qu'en 1576 que Bayou, dans la septième note, qu'on trouve à la fin de la constitution de cette année, T. 1er, page 148, édition de Genève, parle le premier, d'après un chirurgien, d'une espèce de fausse membrane trouvée dans la trachée artère d'un enfant qui avait succombé à une maladie promptement suffocante, alors inconnue. L'obscurité des descriptions données par les auteurs anciens, a même amené quelques médecins à prétendre que cette maladie est nouvelle. Cependant, si peu précis que soit l'exposé des symptômes, il est impossible de ne pas la reconnaître dans Arrêté, lorsqu'il traite de l'ulcère syriaque. Pendant un certain laps de temps, les auteurs en faisaient à peine mention, lorsque Guizy, en 1747, à Crémone, ayant constaté la présence d'une fausse membrane dans le larynx d'un enfant mort d'une angine, eut le premier l'idée de reconnaître là une maladie particulière, qu'il désigna sous le nom d'angine perfide, pour la distinguer de l'angine gangreneuse ordinaire, qui ne se termine pas par suffocation. Depuis, cette angine perfide a reçu le nom de croup. Au commencement du siècle, ce mal prit déjà des proportions d'épidémie assez graves pour inquiéter le gouvernement, qui mit la question au concours. Parmi les mémoires, les brochures, les livres de toute espèce qui surgirent à ce propos, on doit citer les études remarquables de Double et de Royer et Collard. Mais tous ces travaux, il faut le dire, agitèrent longtemps la question sans toutefois arriver à expliquer la cause, le principe et la nature vraie de cette affection. Nous n'entrerons pas dans le détail des divisions, des classifications qui furent faites des cas plus ou moins différents de cette maladie, car ces divisions n'apportèrent aucune lumière. C'est ainsi qu'en même temps que Homme, publia une dissertation sur la suffocation striduleuse, Millet cherchait à faire distinguer du croup, une affection qu'il appelait asthme aiguë des enfants. Cette variété, qui ne se distinguait que par l'absence des fausses membranes, avait déjà été désignée sous le nom de faux croup par le docteur Trousseau, qui plus tard appelant pseudo-membraneux, ou pharyngolaryngite couenneuse le premier croup, distinguait celui-ci sous le nom de croup non-membraneux. Tout cela est peu intéressant. Nous citerons seulement l'exposé lucide et complet de l'angine gangréneuse, donné par M. Gers, qui, plus souvent que tout autre, a eu l'occasion d'observer cette maladie. De cette exacte et consciencieuse description, il nous sera facile de déduire la théorie tant cherchée, une théorie toute logique de l'origine et de la nature du mal. L'angine pseudo-membraneuse, dit M. Gers, débute, comme la plupart des inflammations gutturales, par une rougeur plus ou moins vive du pharynx, et le gonflement de l'une des deux amygdales, la fièvre est à peine sensible, la déglutition peu ou point douloureuse. Quelquefois cependant la fièvre est intense dès son début, et tous les mouvements du cou ou pour avaler sont très douloureux. Après la période d'invasion, qui est souvent si courte et si légère que le médecin n'en est presque jamais témoin, les différentes parties des fosses gutturales, telles que les amygdales, la luette, le voile du palais, les fosses postérieures du pharynx, présentent de petites plaques irrégulièrement circonscrites, blanches ou d'un blanc jaunâtre, lisses luisantes et d'un aspect lardacé. Ces plaques paraissent plus saillantes, et comme convexes dans leur milieu, elles sont amincies sur les bords. Dès leur apparition, les ganglions cervicaux et maxillaires sont plus ou moins gonflés ou douloureux, et la gêne de la déglutition est plutôt en raison du volume de ces ganglions que de l'étendue des plaques qui se sont développées dans le pharynx. L'accroissement des plaques est plus ou moins rapide, quelquefois, dans l'espace de quelques heures, toutes les fosses gutturales sont envahies par cette exsudation qui les recouvre complètement. Le plus ordinairement elle s'étend irrégulièrement sur les amygdales, le voile du palais et la luette. Tantôt la luette est enveloppée en entier, comme dans un petit doigt de gant, et semble très gonflée et édémateuse, à cause de la demi-transparence de la fausse membrane, d'autres fois elle n'est envahie que d'un seul côté, et courbée du côté malade en forme de crochet, les amygdales sont presque toujours très inégalement prises, et c'est constamment du côté où les plaques sont le plus nombreuses et le plus épaisses. que les amygdales sont plus développées et que les ganglions cervicaux et sous-maxillaires sont le plus volumineux. Presque aussitôt après l'extension des plaques, elles se circonscrivent d'un cercle rouge, se boursouflent, se décollent, et, en se détachant ainsi par lambeaux, laissent suinter quelques gouttelettes de sang, qui se mêlent à une salive plus ou moins abondante, écumeuse et extrêmement fétide. On observe très fréquemment, à cette époque de la maladie ou dès le début, un écoulement par les narines d'un liquide sereux, jaunâtre ou sanguinolent, d'une odeur nauséeuse, ce qui est presque toujours l'annonce de l'invasion de la maladie dans les fosses nasales. L'expectoration sanguinolente est souvent accompagnée d'épistaxis. Pendant le travail de l'exfoliation pseudo-membraneuse, qui dure ordinairement 8 à 10 jours, le mucus buccal mêlé à la salive prend plus ou moins de consistance et facilite l'expectoration des lambeaux membraneux ou leur déglutition. Le plus souvent, à mesure que les plaques se détachent, elles se renouvellent dans l'espace de quelques heures. Celles de seconde ou troisième formation sont ordinairement plus blanches et plus minces que les autres, enfin elles cessent de se renouveler. Mais ce n'est pas toujours ainsi que la maladie marche vers la guérison, les plaques tombent quelquefois dans une sorte de délabrement, ou se ramollissent en partie comme de la bouillie, elles sont ensuite expulsées avec des fragments de membrane et un mucus sanguinolent. Ces deux moyens de guérison ne sont pas les seuls qu'emploie la nature, et j'ai observé que, dans quelques cas d'angine pseudo-membraneuse sporadique, surtout lorsque les plaques sont peu étendues, la fausse membrane, au lieu de se soulever, adhère fortement au corps muqueux, toujours recouverte de l'épithélium, et que, dans cette juxtaposition, elle est à peu près résorbée couche par couche, de manière à disparaître progressivement. À mesure que la résolution de la maladie s'opère ainsi dans le pharynx, les ganglions diminuent de volume et cessent d'être douloureux, à moins qu'ils ne viennent à suppurer. Aux signes locaux, pathognomoniques, que nous venons d'exposer, se joignent des symptômes généraux dépendant de la lésion sympathique ou directe de plusieurs autres appareils, la pâleur et la bouffissure de la face, l'altération plus ou moins profonde des traits. Dans quelques cas, surtout lorsque la maladie règne épidémiquement, on remarque sur diverses parties du corps des exsudations pseudo-membraneuses, ou des plaques analogues à celles qu'on observe sur les parois des fosses gutturales. Ces exsudations ont leur siège sur les lèvres, autour des ailes du nez, derrière les oreilles, etc. Lorsque l'angine pseudo-membraneuse coïncide avec la scarlatine épidémique, on observe quelquefois sur la peau de grosses pustules remplies d'une exsudation lardacée au lieu de pus, d'autres fois des pustules gangréneuses ou de véritables escars. Les organes gastro-intestinaux sont alors presque toujours affectés secondairement, la langue est gonflée, couverte d'un enduit muqueux très épais, elle est souvent rouge sur ses bords, des vomissements fréquents ont lieu, ils sont presque toujours déterminés par les efforts de l'expectoration. Le pouls, toujours plus ou moins fébrile dès le début de la maladie et souvent fort et plein, devient ordinairement plus grêle et plus petit lorsque l'angine a pris beaucoup d'intensité et qu'elle se prolonge jusqu'au deuxième et troisième septénaire. Les organes de la respiration sont souvent envahis par l'exsudation pseudo-membraneuse qui s'étend du larynx à la trachée artère et aux bronches. Cette extension de la maladie se manifeste, dans quelques cas, presque instantanément au moment même du développement des plaques dans le pharynx, d'autres fois, c'est du troisième au septième ou huitième jour de la maladie que cette invasion a lieu. Dès que l'exsudation pseudo-membraneuse arrive à la glotte, il survient une petite toux sèche, sifflante, par quinte courte, qui bientôt s'accompagne d'aphonie et de suffocation, c'est ce qui caractérise le croup. Le croup n'est pas la seule affection des organes de la respiration qui s'observe dans l'angine pseudo-membraneuse, il survient quelquefois du troisième au septième jour de la maladie, une bronchopneumonie ou pneumonie catarrhale, qui est insidieuse dans son début, est masquée en partie par les signes locaux de l'angine, à laquelle on est porté à attribuer la fièvre et la toux. Celle-ci n'est pas, dans ce cas, sèche, gutturale, avec aphonie, comme dans le croup, le mucus expectoré offre souvent des stries sanguinolentes, et l'auscultation et la percussion donnent tous les signes d'un engouement catarrhal plus ou moins prononcé dans les poumons. La fièvre est plus ou moins intense, et s'accompagne de redoublements irréguliers. Cet état est d'autant plus grave, que l'altération des poumons est plus étendue. Les altérations pathologiques qu'on trouve dans les cavités gutturales pendant la durée de l'angine pseudo-membraneuse sont différentes, suivant l'époque de la maladie à laquelle on les examine. Dans la première période, avant le développement des plaques, la membrane muqueuse du pharynx est seulement rouge, injectée, les vaisseaux capillaires sont plus ou moins développés. Après le développement des plaques, on remarque que l'épithélium recouvre l'exsudation même dans les endroits où les lambeaux pseudo-membraneux ne sont pas détachés. La fausse membrane est plus ou moins ferme, épaisse, et adhère fortement, avant l'exfoliation, au tissu muqueux, à la manière de la fausse membrane, que produit l'inflammation cantharidique. Le tissu muqueux est injecté, rouge, plutôt desséché que boursouflé. Il est infiltré de sang disposé par lignes ponctuées, ou par petites ecchymoses noires, inégales, oblongues, cette disposition se remarque surtout, sur le pharynx et le voile du palais. Sur les amygdales et l'aluette, la membrane muqueuse est infiltrée de sang ou de mucus, et parsemée d'ecchymoses arrondies. Indépendamment de cette altération, on remarque souvent dans le tissu muqueux même des taches oblongues, grises, sèches, dans lesquelles la membrane muqueuse paraît comme cautérisée avec un acide. Ces taches tranchent très bien avec les autres parties qui sont rouges ou noirâtres, mais dans aucun cas je n'ai trouvé le tissu ramolli, noir ou gris, et présentant précisément l'aspect et l'odeur de la gangrène. Mes observations sont d'accord, à cet égard, avec celles de M. Bretonneau, de M. Desland et de tous ceux qui, dans ces derniers temps, ont examiné sans prévention ces altérations pathologiques. J'ai vu seulement dans quelques cas, la membrane muqueuse un peu plus molle, et comme érodée à sa surface, mais jamais de véritables escarres. Dans la seconde période de l'angine gangréneuse, les ganglions cervicaux et sous-maxillaires sont très développés, rouges violacés ou déjà ramollis dans leur centre, et même quelquefois transformés en entier en un liquide sagneux couleur de lit de vin. Lorsque la maladie se termine d'une manière favorable, la membrane muqueuse des fosses gutturales est ordinairement recouverte d'un mucus épais ou puriforme, toutes les plaques pustulaires grises ou noirâtres ont disparu pour faire place à une teinte rosée uniforme, les amygdales sont un peu rétractées sur elles-mêmes, à moins qu'elles ne renferment quelques foyers purulents, on ne trouve aucune trace de cicatrice ou de perte de substance. À la surface des membranes muqueuses, qui tapissent les fosses gutturales, mais, sur les parties où les fausses membranes ont été plus adhérentes, plus épaisses et ont persisté plus longtemps, on serait porté à croire qu'il y a eu érosion, le bord du voile du palais, la luette, paraissent, dans quelques cas, comme échancrés, et avoir perdu une portion de leur tissu. Ce n'est pourtant qu'une illusion qui a souvent donné lieu à des erreurs. Quand on observe, en effet, avec attention, on reconnaît que ces parties ne présentent aucune apparence de cicatrice, mais que leur tissu plus dense est rétracté sur lui-même. Si la luette a été enveloppée en entier par la fausse membrane, elle est uniformément rapetissée, et son volume a quelquefois diminué des trois quarts, lorsqu'au contraire elle n'a été recouverte que d'un seul côté par une plaque membraneuse, elle est alors recourbée en forme de crochet de ce même côté, l'échancrure des voiles du palais est due à la même cause. Lorsqu'une amygdale a été recouverte immédiatement en entier par une plaque, pustule, très épaisse et qui a adhéré longtemps, elle est après la guérison tellement resserrée, rongée, qu'on l'aperçoit à peine entre les piliers des voiles du palais. J'ai été surpris plusieurs fois de voir ainsi la rétraction d'amygdale, qui était si volumineuse avant l'invasion de la maladie qu'elle gênait la prononciation, et qu'il avait été question de les extraire. Monsieur Bretonneau avait déjà démontré, dans les intéressantes observations qu'il a publiées sur cette maladie, que l'angine maligne épidémique n'était point de nature gangréneuse, comme on l'avait pensé jusqu'alors, il la considère comme une inflammation pelliculaire. Il confond, du reste, cette angine avec le croup. Ces maladies, dit-il, sont identiques sous le rapport de l'anatomie pathologique, et ne diffèrent que quant au siège qu'elles occupent. Voici comment s'exprime sur cette question monsieur le professeur Trousseau, qui du reste la résout dans le même sens, la complication la plus fréquente du croup est celle de l'angine pharyngienne couenneuse, puisque dans presque tous les cas, c'est par cette maladie qu'il commence, ou plutôt par le pharynx qu'il débute, car c'est évidemment la même maladie, et nous ne l'indiquons ici comme distincte, que pour nous conformer à la marche consacrée dans la plupart des nosographies. Du reste, pour bien poser notre dissertation, et pour bien faire ressortir les signes soit symptomatiques, soit anatomiques, sur lesquels nous voulons nous appuyer, nous allons rappeler en détail tous les caractères que présente le croup. L'invasion se manifeste ordinairement, par des frissons suivis d'un léger mouvement fébrile, des douleurs dans le dos, dans la gorge, une sensibilité des parties antérieures du cou, un gonflement plus ou moins appréciable des ganglions sous-maxillaires, il y a rougeur du pharynx, distension des amygdales, souvent lorsque le médecin est appelé, ses premiers symptômes ont été parcourus et la gorge, le voile du palais. La luette, les amygdales, sont déjà recouvertes de petits points blancs de la grosseur d'un grain de millet, il se fait par les narines un suintement séreux, jaunâtre et fétide. La durée de ces symptômes est le plus souvent de 4 à 5 jours, mais il arrive parfois que la première et la seconde période se confondent, et que la maladie marche avec une rapidité telle qu'ils ont été parcourus dans l'espace de 24 heures. La seconde période est marquée par une toux sèche, d'un caractère spécial, qui est accompagné d'aphonie, de suffocation, et qui revient par quinte à des intervalles plus ou moins rapprochés. La voix subit alors un changement très notable, elle devient rauque comme dans l'enrouement, et quelquefois elle s'éteint presque entièrement. La toux alors est accompagnée d'une espèce de bruit ou de sifflement particulier, qui se fait entendre dans la poitrine, de même que dans l'asthme. Les efforts pour reprendre la respiration se font pendant les accès de toux, et déterminent des mouvements spasmodiques et convulsifs. Le sifflement devient tellement bruyant, qu'il s'entend à une certaine distance du lit du malade, les quintes de toux sont alors plus fréquentes et font éprouver des douleurs assez vives dans le larynx et dans la poitrine, à mesure que les accès se rapprochent, bien que d'une courte durée, la toux provoque une espèce de suffocation, qui détermine souvent une bouffissure de la face, un gonflement et une injection violacée des lèvres, les accès À peine terminée, la figure devient pâle et livide. Alors arrivent les vomissements, dans lesquels les concrétions qui se sont formées dans l'œsophage, et dans toute la région buccale, se détachent et se trouvent expulsées. Chaque vomissement, soit naturel, soit provoqué, fait éprouver un soulagement au malade, la respiration est alors moins gênée, le pharynx se remplit de mucosité transparente mêlée de petites concrétions membraneuses, ces matières se trouvent expectorées à chacun de tout. Dans le cas d'une terminaison heureuse, c'est sous l'influence de l'expectoration et de l'expectoration de ces exsudations lymphatiques, qu'on voit survenir l'amélioration. Alors s'arrête la formation des concrétions. Nous avons compris que les recherches d'anatomie pathologique, dont l'exposé YouTube pour preuve, que notre propre affirmation, ne pouvait pas suffire, nous avons voulu nous mettre à l'abri de toute dénégation, de toute discussion, au moins quant à la base, quant au point de départ de notre thèse, aussi nos prémices sont les descriptions, et les autopsies reconnues et acceptées aujourd'hui comme classiques. Nous n'avons rien trouvé de mieux, sur cette matière que les savantes recherches de monsieur le professeur Trousseau, publié dans son article Croupe du dictionnaire de médecine, ces recherches nécroptiques faites avec tant de conscience, tant de soins et surtout si clairement décrites, viennent si bien corroborer notre opinion et nos recherches, que nous aurions craint, si cette description eût été nôtre, d'être accusés par nos adversaires de l'avoir imaginé tout exprès pour le besoin de la cause. Lorsque le malade a succombé dans la seconde ou troisième période, dit Monsieur Trousseau, on observe quelquefois plus de concrétions plastiques dans le pharynx au moment de la nécropsie, même lorsque le croup a débuté par cette région, parce qu'elles ont été détruites par les applications topiques, ou par les efforts même de la nature, surtout lorsque les plaques pseudo-membraneuses sont peu étendues, mais elles sont toujours plus ou moins considérables dans le larynx. La concrétion plastique est quelquefois bornée à l'orifice de la glotte et à l'épiglotte, elle est toujours très adhérente sur ses parties, et paraît recouverte de l'épithélium, surtout si le malade a succombé promptement. Mais si la mort n'arrive que plusieurs jours, après que la maladie est bien confirmée, l'épithélium est souvent ramolli et détruit, et la fausse membrane est alors à nu. Dans le larynx, les plaques veineuses sont aussi toujours plus ou moins adhérentes, mais jamais recouvertes d'épithélium, et seulement enduites d'un mucus écumeux, quelquefois puriforme. Tantôt toute la face du larynx est exactement incrustée d'une fausse membrane, qui pénètre jusque dans les ventricules, où elle adhère plus fortement qu'ailleurs. Tantôt on ne retrouve que quelques lambeaux membraneux à la face postérieure du cartilage thyroïde, ou seulement sur les aréthénoïdes. Le plus souvent la fausse membrane pénètre dans la trachée artère sous la forme d'une lame plus ou moins étendue, appliquée à la face antérieure ou postérieure de cet organe, ou, plus rarement, sous la forme d'un cylindre complet. Dans quelques cas, elle se prolonge dans une partie des grosses bronches, et quelquefois même jusque dans les dernières ramifications, tantôt sous la forme tubulée, tantôt sous celle de rubans plus ou moins étroits et presque linéaires. La fausse membrane est presque toujours un peu adhérente dans la trachée, vers la partie supérieure du côté du larynx, et flottante dans le reste de son étendue, entre deux couches de matière muqueuse et puriforme, ou floconnée. Cependant je l'ai trouvée plusieurs fois intimement adhérente à la face antérieure de la trachée artère, la membrane muqueuse, sèche, offre alors les stries longitudinales, et des points rouges qu'on ne retrouve pas aussi constamment, lorsque la concrétion pelliculaire est flottante, et la surface de la membrane lubrifiée par des mucosités. Les points rouges pénètrent quelquefois, dans le tissu même de la concrétion plastique, et ne sont pas le produit de simples taches sanguines, car elles persistent après la macération dans l'eau. Ces petits points sont sans doute le commencement de ces linéaments vasculaires, qui ont été indiqués par quelques observateurs, que j'ai aussi signalé moi-même, et qui sont constatés par les pièces d'anatomie pathologique, que Soemring a conservées dans son cabinet. On ne trouve pas de stries rougeâtres, ni les points rouges dans les bronches comme dans la trachée artère, la membrane muqueuse est simplement rosée, ou quelquefois même décolorée, principalement chez les sujets débilités par des maladies antécédentes ou des saignées. Les bronches contiennent, aussi plus ou moins de mucus d'un blanc verdâtre ou puriforme. Monsieur Trousseau fait suivre cette minutieuse description d'une énumération de 174 autopsies de Krupp, afin d'exposer les différents cas où les concrétions ont occupé plus particulièrement la trachée artère seulement, ceux où ces fausses membranes pénétraient dans les bronches, et les cas plus rares qui ne présentaient aucune fausse membrane, voici comment il décrit ces concrétions. Le plus ordinairement, dit-il, elles sont, lors de l'invasion, épaisses, blanches, jaunâtres, opaques. Elles ont souvent presque l'épaisseur d'une ligne, d'autres fois beaucoup moins. La face qui regarde la membrane muqueuse, est quelquefois piquetée de petits points rouges, d'autres fois on observe une ligne rougeâtre. Les fausses membranes n'offrent pas toujours, dans leur texture un tissu homogène, elles sont composées souvent de petits flocons arrondis, agglomérés, opaques, disséminés dans une trame plus claire et plus transparente. Leur consistance est très variable, dans la plupart des cas elle est ferme et presque coriace, dans d'autres, au contraire, elle est molle et diffluente, surtout à mesure qu'elle s'éloigne du larynx. Comme il est facile d'en juger, il ressort de tous les passages soulignés que décrire le croup, l'angine coéneuse ou pseudo-membraneuse, l'angine dite gangréneuse, suivre dans leurs détails ses symptômes tout particuliers est la meilleure, la seule manière de démontrer que cette maladie, dont la cause et la nature sont restées jusqu'à ce jour parfaitement ignorées, n'est autre chose qu'une variole anormale. C'est-à-dire tout comme la fièvre typhoïde, une petite vérole dont l'élimination a été détournée de ses voies naturelles, en un mot, une variété ou une forme pathologique de la variole. En effet, suivez l'analogie, l'identité des symptômes, quand cette rétroversion variolique a été interrompue dans sa marche par le traitement, de même que dans le cas de petite vérole naturelle, interrompue par le traitement abortif, il se produit des abcès, ces abcès ont pour siège les amygdales, et viennent là encore prouver la répercussion de la matière variolique. Il se produit en outre, comme dans la maladie du chien, un écoulement par les fosses nasales, un épanchement de mucosité bronchique, etc. Comme la variole, ces différentes angines sont susceptibles de contagion, elles se présentent aux mêmes saisons que la variole et la fièvre typhoïde, et leurs épidémies se confondent généralement avec les épidémies de ces deux affections. Quant à cette concrétion pelliculaire de l'angine, c'est toujours cette même matière que nous trouvons éliminée à la peau dans la variole, concrétée au poumon en tubercule dans la phtisie, s'épanouissant en pustule interne aux intestins dans la fièvre typhoïde. C'est bien cette même matière, nous retrouvons toujours dans les trois cas tous les caractères physiques, la couleur, la constitution, cette odeur fétide sui generis. Maintenant, considérons les caractères chimiques, là est l'analogie la plus frappante, bien plus, le signe incontestable de l'identité. Nous voulons parler de l'action caustique et corrosive. C'est bien cette matière qui ronge la peau dans la variole, qui détruit le poumon dans la phtisie, qui perfore les intestins dans la fièvre typhoïde, c'est bien cette matière, nous la retrouvons encore quand la nature, impuissante à la variole, l'a rejetée sur les organes laryngopharyngiens, si elle ne détermine pas presque immédiatement l'asphyxie du sujet, elle laisse sur ses organes cette profonde empreinte qui partout la dénonce. Sûrement, elle détruit l'aluette, les amygdales, ou une partie des voiles du palais, ou bien à la surface des membranes muqueuses, qui tapissent les fosses gutturales, et particulièrement aux parties où les fausses membranes ont été le plus adhérentes, elles laissent des traces qui viennent là aussi témoigner de la présence des pustules. Ces altérations pathologiques, cette destruction des parties avec lesquelles la matière a été en contact ont dû contribuer beaucoup, nous le comprenons, à accréditer l'opinion de ceux qui croyaient à une infection gangréneuse, qui regardaient les plaques comme des escarres, auxquelles succédaient nécessairement des suppurations et des pertes de substances. La petite vérole, l'angine coéneuse, l'angine gangréneuse et le croup sont donc une seule et même crise, naturelle dans le premier cas, comprimée, détournée et devenue pathologique dans les autres. Ces répercussions peuvent être dues à une cause quelconque, mais les causes, de tout temps, ont été fort rares, puisqu'avant le commencement du siècle, peu de médecins avaient eu l'occasion d'observer ce fait, rare à ce point que l'on a pu croire à la nouveauté de cette affection. Aujourd'hui, ces cas accidentels ont été, comme la fièvre typhoïde et comme tant d'autres maladies fort répandues, presque généralisées par le vaccin. Chapitre 3. Des tubercules, de la phtisie et de la détuberculisation par la petite vérole. Observation et expérimentation. Nous sommes arrivés au point capital de notre travail, nous allons montrer, complété par l'expérience et appliqué dans la pratique médicale, la découverte de la nature des tubercules. Les tubercules, ces granulations blanchâtres, de forme miliaire, qui se trouvent naturellement, même dans l'enfant nouveau-né, peuvent, quoique rarement, affecter n'importe quel organe, mais se rencontrent très communément, on le sait, dans les organes pulmonaires. Dans un temps donné, ces tubercules doivent se développer, puis dégénérer, la matière, alors expulsée par l'expectoration, laisse dans l'organe de la respiration, ces cavernes tuberculeuses dont l'ensemble, constitue la phtisie pulmonaire. Il est inutile de rappeler ici le nombre des maladies de ce genre devenues aujourd'hui énormes. Tout le monde assiste chaque jour au désastre produit par cette affection qui, en dépit de tout soin, de toute précaution, de tout changement de climat, de tout traitement imaginable, dévore chaque année une fraction énorme de la population. Et cette fraction est presque toujours choisie parmi les sujets jeunes, pris et emportés à l'âge le plus intéressant, au meilleur temps de la vie, au moment où la famille fonde sur eux ses plus douces, parfois ses plus brillantes espérances. Le génie médical s'est épuisé en recherche, il a épuisé les ressources de la thérapeutique, sans pouvoir découvrir un remède à ce mal inexorable, on a tout essayé depuis le système expectant jusqu'aux médications les plus énergiques, jusqu'aux spécifiques des charlatans, et le mal impitoyable a toujours poursuivi sa marche impassible, sans presser mais sans retarder d'une heure, le dénouement fatal sur lequel il n'est plus permis, depuis bien longtemps, de se faire illusion. Tant de recherches, tant de travaux n'ont amené qu'un seul résultat, résultat important toutefois, on est arrivé, dans le cas de phtisie, à une rare perfection de diagnostic. Les Laennec, les Chomel, les Andral, sous ce rapport, ont fait faire un grand pas à la science. Aujourd'hui le médecin peut, avec une certitude désolante, reconnaître à l'auscultation la profondeur du mal. Il peut dire avec une admirable précision, là sont les cavernes tuberculeuses, elles sont creusées jusqu'à ce point, là sont des tubercules crus, ici des tubercules dégénérés, et la dégénérescence a atteint tel degré. Il peut dire encore, le mal fera tel progrès, ils seront lents ou rapides, il peut fixer l'époque de la crise, presque la date de la mort, mais sa science s'arrête là. Science terrible, bonne seulement à désespérer le médecin, est-il en effet une situation plus cruelle pour un homme de cœur? Est-il un sentiment plus douloureux que la conviction de son impuissance absolue? Il voit un sujet sain de tout point, jeune, plein de sève, mais il reconnaît l'existence de tubercules et tout est dit, cet homme, qui trouverait dans sa constitution et dans l'art même de victorieuses ressources contre toute autre maladie, cet homme est perdu sans espoir, on prophétisera toutes les faces cruelles de l'œuvre de destruction, on les suivra une à une sans pouvoir lui prêter le moindre secours, on le verra mourir et on restera. L'arme au bras. Pour qui des deux est le plus cruel supplice? Donc, considéré ainsi, la matière tuberculeuse est un germe de mort, et longtemps on s'est demandé pourquoi la nature, dont l'œuvre est toujours parfaite, a mis et emprisonné en nous un principe de destruction. Or, il n'en est pas ainsi, le tubercule ne devient un principe mortel que lorsqu'il se développe, à l'état rudimentaire il est inoffensif. Le développement funeste du tubercule, n'est pas dans les conditions normales réglées par la nature, non, la nature n'a pas mis en nous les tubercules, comme un germe de destruction, non, les tubercules ne doivent pas se développer. Non, la nature ne voulait pas livrer l'organisme à un ennemi aussi implacable, elle avait ménagé une issue. Dans des conditions régulières, elle nous assure contre le danger, sa prévoyance expulse d'une façon toute normale par la petite vérole la matière tuberculeuse, juste au moment où les tubercules, inoffensifs encore, peuvent devenir funestes à l'organisme. S'ils prennent ce caractère désastreux, c'est qu'un accident quelconque est venu contrarier la marche de la nature, c'est qu'une perturbation quelconque de l'économie, soit développe prématurément le tubercule, soit s'oppose à l'élimination prévue. Maintenant, telle est la puissance du mouvement variolique, que lors même que le temps fixé par la nature est passé, lorsque la matière tuberculeuse déjà concrétée, est arrivée à un degré de développement fort avancé, lorsque les tubercules ont atteint un certain degré de maturité, lorsque les organes respiratoires sont envahis, lorsque de guerre lasse le médecin, se retire et rend le malade à un ennemi qui ne fait jamais grâce, enfin. Lorsque tout est désespéré, il est encore une ressource, à ce moment-là même, telle est la puissance de cette généreuse fermentation, que la variole peut encore présenter une chance de salut. Mais, dans tous les cas, quand la dégénérescence tuberculeuse n'est pas encore opérée, quand le sujet est encore dans de bonnes conditions de vitalité, quand l'affaiblissement général produit par la maladie, permet encore l'absorption et l'éruption de la petite vérole, l'inoculation, on le comprendra maintenant, ouvre la seule voie que la nature puisse trouver à l'élimination des tubercules, et est le moyen qui seul peut sauver le malade. Nous le répétons, nous ne faisons point une théorie, toujours contestable comme toute théorie, nous sommes partis de faits auxquels les témoignages authentiques ne manqueront pas. Nous avons suivi la marche la plus prudente, ce que l'expérience nous avait donné, nous l'avons confirmé par l'expérimentation, le lecteur n'aura donc pas à discuter la justesse de notre raisonnement, la logique de nos déductions, mais simplement à vérifier l'exactitude des faits que nous avançons. Notre première observation, est l'histoire d'un nommé Adolphe C., qui a fait quelques bruits à Paris, il y a 30 ans. Le roman, je crois même le théâtre, ont saisi et développé d'une façon plus ou moins heureuse son aventure, en réalité du reste fort original. C., notre camarade de collège, né de parents phtisiques, du reste bien et dûment vacciné lui-même, présentait dès l'enfance toutes les apparences de la phtisie tuberculeuse. À 20 ans, il fut officiellement condamné par tous les médecins, la faculté, interrogé, calcula le temps nécessaire au dernier développement, et à la dégénérescence des tubercules, qui avaient envahi les organes de la respiration, et déclara qu'il avait tout au plus 2 ans à vivre. C. venait d'être émancipé, il était maître de sa fortune, frêle, maigre, pâle, voûté, avec le thorax déprimé, la voix voilée, une toux sèche permanente, il présentait un type complet de ce qu'on appelle dans le monde un poitrinaire. Il était pourtant d'un caractère vif et résolu, il prit bien vite son parti, fit de part égale du capital qu'il possédait, et au risque de rapprocher encore le terme fatal, il se jeta tête baissée dans les débordements les plus insensés. Croyant n'avoir rien à perdre, il ne reculait devant aucun excès, c'était toujours autant de prix sur la mort. Il cherchait l'oubli dans des désordres sans exemple, c'était des témérités exorbitantes devant lesquelles reculaient les fous les plus hardis, qui devaient naturellement baisser pavillon devant un fou désespéré. De cette vie impossible dont le détail appartient au domaine de la fantaisie, il résulta, non pas ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire, une décomposition plus rapide de l'organe attaqué et la mort en quelques mois, mais une réaction, une sorte de réveil de la vie animale. Toutes ces violences, loin d'avoir une action destructive, secouèrent la torpeur de l'économie envahie par la matière tuberculeuse. La circulation devint plus active, l'exaspération de l'organisme détermina une sorte de réaction, et en dépit du vaccin, la petite vérole se déclara spontanément. Je fus appelé conjointement avec le docteur Saint-Amand, la variole se développa d'une façon toute normale, sans accident notable. Les pustules prirent le caractère de la variole confluente, jusqu'ici rien d'extraordinaire. Mais bientôt, vers le sixième jour, et là est le fond de notre observation, au moment où le pus commença à envahir et à gonfler les pustules, nous eûmes à constater un fait des plus intéressants et des plus curieux. L'oppression dont ces n'avaient jamais cessé de souffrir se dissipe graduellement, la toux sèche habituelle qui avait augmenté les premiers jours de la variole devient moins intense, puis plus rare et disparaît complètement. Il en est de même de l'expectoration. Le malade croit sentir ses poumons débarrassés d'un poids énorme, pour la première fois, il lui semble que sa poitrine se dilate, il déclare éprouver un bien-être indicible, et complètement nouveau pour lui, il respire. Les pustules se dessèchent, tombent, enfin suivent de tous points la marche régulière. Nous procédons, le docteur Saint-Amand et moi, à une auscultation de la poitrine, opération que nous avions déjà pratiquée bien des fois sur le sujet avant sa variole. Au son mat que rendait d'habitude, la partie supérieure du poumon droit a succédé un son clair, le râle crépitant qui se faisait entendre d'une manière notable dans la partie moyenne du même poumon a complètement cessé, l'air pénètre profondément, dans toute l'étendue de la poitrine qui semble dès lors parfaitement dégagée. La convalescence fut rapide, peu de temps après la guérison, arrive à l'échéance fatale fixée par la faculté pour la dégénérescence des tubercules, échéance prévue et acceptée par C, comme nous l'avons dit, et sur laquelle il avait basé le calcul, fort simple du reste, de la répartition ou plutôt de la dissipation de sa fortune. Son calcul fut plus sûr que celui de la faculté. Un beau matin, il s'éveillait radicalement ruiné, et complètement guéri. C'était décidément l'homme des situations et des parties extrêmes, devenu d'une force de constitution remarquable, il se mit à user de sa vigueur, comme il avait usé de sa fortune. Pour subsister, il se retira à la campagne, aux environs de Caen, et se fit chasseur de profession, le riche viveur devenu fort, de superbe allure, ne craignant ni froid, ni accident, ni intempérie des saisons, passait souvent des jours et des nuits d'hiver à l'affût, en plein marais. Il continue à 20 ans impunément ce rude métier, qui pour tout autre eût été bientôt pernicieux. Nous pourrions dire, selon le proverbe populaire, il fallut le tuer. Toujours est-il que sa santé ne fut jamais altérée et qu'il mourut d'un coup de son fusil parti par mégarde au moment où il transportait à travers le marais un chasseur sur ses épaules. L'observation ne pouvait être douteuse, c'était bien la petite vérole qui avait sauvé le malade, le fait était d'autant plus clair qu'il n'y avait eu ni crise, ni surprise, et que j'avais pu suivre le progrès graduel de la guérison de la poitrine en raison directe de la marche de la petite vérole. Ce changement opéré dans la voix, cette douleur dans le dos, cette petite toux, cette oppression, cette complication de péripneumonie et de laryngopharyngite, tous symptômes qu'on remarque de temps en temps dans les cas de variole, mais dont jusqu'ici l'absence comme la présence, est restée absolument inexpliquée, ces phénomènes, dis-je, trouvent leur explication toute naturelle dans le travail de la détuberculisation. Le fait est significatif, il montre, question grave, la variole salutaire. Nous ne pouvions pourtant rien publier alors, nous nous serions cru aussi légers, que les propagateurs de la vaccine, si, sur un seul fait, tant spécieux, tant merveilleux qu'il fût, nous avions seulement entamé une théorie, nous devions faire ce qu'au commencement de ce livre, nous reprochions aux vaccinateurs de l'Académie de n'avoir pas fait, attendre l'expérience, nous mettre en garde contre le vaccin, l'étudier longtemps et partout, voir la petite vérole à l'œuvre en toutes circonstances, étudier la nature chimique et des tubercules, et de la matière variolique, enfin, nous livrer à ce travail patient et consciencieux, que nous n'avons jamais interrompu depuis 30 ans. Nous nous gardâmes donc de préjugés, seulement, à partir de cette expérience, sans rien conclure, nous dûmes songer que la variole, n'est pas simplement un mal comme le prétendaient nos maîtres, et rechercher le mode d'action du vaccin. Bientôt les observations se multiplièrent et donnèrent des résultats analogues. Plus tard, à quelques années de là, en 1828, je fus moi-même atteint de la variole, moi aussi, quoique dans des conditions beaucoup moins graves que celles où se trouvait C, moi aussi j'avais souffert dès l'enfance d'une oppression, qui avait fait diagnostiquer à Monsieur Double, l'existence probable de tubercules. Et durant la variole cette oppression disparut complètement. Ma constitution, de faible qu'elle avait été durant, toute mon enfance et ma première jeunesse, devint vigoureuse, et ma santé fut parfaitement affermie. J'eus beau réfléchir, fouiller, déduire, il me fut impossible de puiser dans les théories données par nos professeurs, une explication satisfaisante de faits évidemment considérables, qui venaient se jeter à la traverse des dogmes officiels, et bouleverser toutes les idées reçues. Il fallut bien chercher ailleurs, accepter un autre point de vue, ne plus dire, la petite vérole est un mal pestilentiel, un virus jeté dans la circulation, un empoisonnement dont on doit éviter la contagion, ou au moins, autant que possible, arrêter l'action. Il fallut remonter aux anciens, aux Grecs, aux Arabes, à cette théorie qu'on ne nous citait, alors que pour nous en montrer la prétendue absurdité, et nous prémunir contre elle. Dès lors les choses changent de face, la question cesse d'être obscure, et le phénomène non seulement auquel j'avais assisté plusieurs fois, mais encore que j'avais subi pour mon propre compte dans toutes ces phases, le phénomène, que je retournais vainement pour en découvrir le sens, s'explique de lui-même, et ses observations prennent pour moi, le caractère le plus sérieux, désormais, quand les expériences nouvelles et l'expérimentation seront venues, comme on va le voir, les consacrer, ils auront une signification qui doit compter dans l'histoire éternelle de la variole. À partir de ce jour, j'avais acquis une conviction suffisante, pour qu'il fût de mon devoir au moins de décliner la responsabilité de toutes les vaccinations qu'on multipliait à l'infini. À partir de ce jour, je ne me permis de vacciner personne, je me montrai sur ce point plus fidèle à mes convictions que Genet qui, comme nous l'avons vu, l'année même de la publication de sa brochure, l'année même où il reçut du Parlement, pour sa découverte, une récompense nationale, n'osa point vacciner son second enfant, et lui inocula la variole. Nous avons été de meilleure foi que Grégory, dont nous aurons souvent à parler dans l'histoire du vaccin. Grégory fut l'un des plus zélés propagateurs de la vaccine, l'auteur des plus nombreuses et des plus ardentes publications en faveur du vaccin, l'homme des plus chaudes convictions, non seulement il parla, écrivit, intrigua en faveur du système, mais encore exécuta lui-même plus de 15 000 vaccinations en une seule année, et à ce moment-là même, il se garda bien, lui aussi, de vacciner ses enfants, et leur inocula la variole sans pour cela interrompre le cours de sa brillante carrière de novateur heureux, sans pour cela cesser de vacciner passionnément toute l'Angleterre. Je ne cherchais point une thèse, je ne confectionnais ni ne perfectionnais une théorie, j'étais seulement effrayé d'un désastre suspendu sur la tête de toute l'espèce, j'avais vu et observé deux fois, et tout comme je faisais pour ma clientèle, je fis pour mes enfants, j'eus soin que pas un d'eux ne fût vacciné. 10 ans plus tard, je recueillais déjà un premier fruit de cette sage précaution, mon fils aîné, à la suite de la disparition subite d'une rougeole, fut atteint d'une inflammation pulmonaire des plus graves. Monsieur Chomel constata dans le poumon droit la présence de tubercules, dont quelques-uns étaient même arrivés à un certain degré de développement et même de dégénérescence. Ce diagnostic, que je ne pouvais depuis longtemps me décider à prononcer, et sur lequel désormais il ne m'était plus permis de m'abuser, ce diagnostic était la condamnation de mon enfant. Mon fils était perdu, de l'aveu de Monsieur Chomel, je ne devais conserver aucune espérance. Nous étions à la fin de l'automne, le malade présentait tous les symptômes alarmants. La toux était grasse et fréquente, l'expectoration abondante et de mauvaise nature, dépression thoracique du côté malade, oppression, bruit de gargouillement à la partie supérieure du poumon droit, fièvre lente, continue, accompagnée de légers frissons, chaque jour régulièrement, des paroxysmes produisant une coloration passagère de la pommette droite, abattement général. Il n'y avait plus à hésiter, si grave que fût la tentative, il fallait se hâter de prendre un parti. Ma conviction était fermement arrêtée, nous l'avons dit, nous ne pouvions douter de l'action de la variole sur les tubercules, mais en réalité, c'était une tentative en opposition absolue avec toutes les idées reçues, il n'y avait cependant point de temps à perdre, je tenais une chance de salut à condition d'agir immédiatement, l'enfant était perdu, je ne balançais point et lui fis contracter la variole. Il est difficile d'imaginer une péripétie plus cruelle, une épreuve de plus d'angoisse, pourtant, en réalité, je ne risquais rien et d'autre part, si je ne m'étais pas trompé, mon enfant était sauvé. Au point de vue de la science, c'était la contre-épreuve rigoureuse de l'observation de ces, en ce cas, le succès de l'expérimentation venant confirmer les succès de l'expérience, apportait non pas une preuve de plus en faveur de la théorie, mais la preuve, comme on dit en mathématiques. J'étais alors à la campagne, au Vaudreuil, j'appris qu'à Louviers le docteur Picard, avait dans sa clientèle un sujet atteint d'une variole confluente, qui se trouvait dans le 10e jour de l'éruption, je conduisis mon fils chez ce malade, et je le laissai séjourner avec lui 2 heures environ, puis je pris un linge imprégné de matière variolique. Le soir, 23 octobre 1836, j'applique ce linge sur la poitrine de l'enfant, je le fixe par un gilet de flanelle, et je fais prendre une infusion sudorifique. Dès lors, j'attends non sans anxiété le développement des symptômes varioliques. Je ne songeais plus à la gravité de ma tentative, car je n'avais pas un doute sur l'excellence de la marche que je suivais, je n'avais pas un doute sur le principe de cette épreuve, mais je voyais la période avancée de la maladie pulmonaire, je craignais qu'il fût trop tard, et que la petite vérole ne pût se développer. L'incubation dura 5 jours. Enfin le 28 j'eus le bonheur de voir se déclarer franchement les symptômes si impatiemment attendus, malaise général, céphalagie, frisson, suivi de fièvre, Douleur dans les membres et dans les lombes, étourdissement, bourdonnement dans les oreilles. Le 29, la face est rouge et en l'examinant avec attention, on aperçoit une foule de petits points coniques très peu saillants. Le lendemain, les pustules commencent à se former, épistaxis. La peau est chaude et moite, le pouls large et plein donne 112 pulsations, toux, respiration gênée, l'air pénètre difficilement dans le poumon droit. Jusqu'au sixième jour, les pustules suivent une marche régulière. Le septième, céphalagie et délire, le huitième jour, nouvelle épistaxis qui fait cesser le délire, les pustules couvrent entièrement le corps et les muqueuses buccales. La toux est un peu plus fréquente, mais sèche et sans expectoration. Le neuvième jour enfin nous commençons à reconnaître le travail qui s'opère dans les organes pulmonaires. Le malade est plus calme, le pouls a diminué, il ne donne plus que 90 pulsations, le délire a disparu, l'enfant n'accuse plus de douleur, la respiration est plus libre. Les pustules sont arrivées au summum de leur développement, la tuméfaction de la face et des extrémités est moindre, celle des paupières a complètement cessé et permet au malade d'ouvrir les yeux. Les poumons semblent dégagés, cependant un léger bruit de crépitation se fait encore entendre dans la partie supérieure du poumon droit. La respiration est plus étendue et le malade très calme, la toux persiste. Le 12e jour, la tuméfaction de la face a complètement disparu, les pustules qui la recouvrent se dessèchent, quelques-unes même commencent à se détacher, les pustules des bras et des membres inférieurs ont encore conservé toute leur transparence, partout l'aréole inflammatoire s'est affaissée. La toux est rare, les bruits de mauvaise nature ont cessé de se faire entendre dans la poitrine. Du 20e au 30e jour, toutes les pustules sont desséchées et tombent, la toux a complètement disparu. La partie du thorax correspondant au poumon droit reste toutefois légèrement déprimée. Cet affaissement, conséquence de la maladie pulmonaire, persiste longtemps encore après la guérison, bien que l'air pénètre facilement et librement dans toute l'étendue du poumon. La convalescence est rapide et sans accident, la détuberculisation est parfaite, le tempérament de l'enfant devient vigoureux et sanguin. L'enfance avait été maladive, lymphatique, à partir de cette crise, qui date de 19 ans, le sujet est devenu de plus en plus robuste et de la meilleure santé. Nos conclusions seront bien simples. Nous avions annoncé des faits précis, incontestables, nous nous en tenons aux faits, ainsi rapprochés, corroborés et complétés l'un par l'autre, ils suffisent, je crois, aux plus rigoureuses exigences d'une théorie sérieuse. Les premiers ont été pour nous une éclatante révélation, mais cette révélation ne pouvait être considérée comme un enseignement positif qu'à condition d'obtenir, par l'expérimentation heureuse, la preuve mathématique du principe révélé. Le principe n'était vrai, surtout n'était utile, qu'à ce prix. La preuve, nous l'avons conquise, et 20 ans d'expérience nouvelle n'ont fait que confirmer les observations qui ont été notre point de départ, et qui doivent aujourd'hui encore être notre conclusion. Nous aurions pu citer encore d'autres observations, dont les résultats sont tout aussi concluants, mais nous considérons comme inutile d'en embarrasser ce livre. En résumé, répétons-le, il nous a été permis et par l'expérience, et par l'expérimentation thérapeutique, et par la dissection de suivre dans tous ses détails, et dans toutes ses phases le phénomène inouï de la détuberculisation. Nous avons vu les tubercules se dissoudre sous l'influence de la fermentation variolique, nous avons vu le sang chargé de cette matière à l'état liquide l'emporter jusqu'à la peau, où elle se concrète de nouveau, là nous avons vu la matière tuberculeuse blanchir, se dessécher et disparaître, mais après avoir laissé à la peau, tout comme il l'eût fait au poumon, des traces de son action corrosive. Travail merveilleux. La nature, par des efforts désespérés, arrive à donner aux vaccinateurs cette éclatante leçon. Du même coup elle leur montre la tuberculisation par le vaccin, et leur enseigne la détuberculisation par la variole. Chapitre 4. Engorgement lymphatique. Scrofule. Cancer. Nous avons dit que tous les organes, pendant la crise variolique, sont le siège d'un grand travail d'élimination, travail dans lequel la lymphe surabondante nécessaire à l'enfance est rejetée à l'extérieur. Nous avons montré, dans le mouvement général de l'organisme, l'action de chaque organe repoussant de son économie particulière, la matière hétérogène qui l'embarrasse, et que la fermentation générale, emporte d'ensemble vers la peau. Ce travail multiple est incontestable, les autopsies de varioleux à tous les degrés de la maladie, comme nous l'avons montré, le prouvent matériellement. On peut suivre dans tous ces détails, et toutes ces périodes le dégorgement de chaque organe, qui expulse la matière impure. Or si, comme nous l'avons fait reconnaître, le vaccin maintient de vive force, la matière hétérogène dans chaque organe, est-il possible de douter que cette matière n'entrave sur tous les points l'action physiologique, et ne produise des désordres locaux? En médecine, la théorie seule, dit-on, ne doit jamais amener la certitude, il faut reconnaître au moins, dans ce cas, que le raisonnement, le simple bon sens, amène sans effort aux conjectures les plus précises, au degré de probabilité, qui se rapproche le plus de la certitude. En effet, si l'un des organes se trouve dans des conditions moins favorables que les autres, sous le rapport de son hygiène spéciale, grâce au régime, à la profession, au caractère de l'individu, grâce au milieu dans lequel cet individu vit, il est évident que le danger, au moins l'embarras déterminé par la matière variolique, aidera singulièrement au développement des maladies, que doivent occasionner de toute nécessité les conditions extérieures. Spécial au sujet. Ainsi cette matière variolique, maintenue à l'intérieur, doit d'abord, et tel est l'effet le plus simple et le plus direct, engorger les ganglions et tout le système lymphatique. Si elle ne revient point sur ses pas pour se développer en pustule dans l'intestin, comme on l'a vu dans la fièvre typhoïde, ou se concréter en tubercule dans les organes respiratoires, comme nous l'avons expliqué au chapitre de la détuberculisation, elle doit là s'épaissir, se corrompre, corrompre les organes qui l'entourent, enfin donner lieu à la formation de ces vastes abcès scrofuleux, devenus si communs de nos jours. Cette lymphatique agit nécessairement tout autour d'elle comme un principe de décomposition, de destruction, elle atteint les os, les ramollit, et devient la cause déterminante des gibbosités, du rachitisme et de la carie. Il est en outre généralement reconnu que depuis le vaccin le nombre des tempéraments lymphatiques a augmenté d'une manière très notable. Nous n'avons pas besoin, je crois, d'en donner même une explication succincte. La lymphe surabondante, qui n'est nécessaire que pendant une certaine période de l'enfance, et par le fait du vaccin, maintenue à perpétuité dans l'économie, et sa présence seule dénature le caractère du tempérament. La théorie que nous venons de donner sur l'action de la lymphe maintenue d'une façon anormale dans l'organisme, peut également être appliquée aux affections cancéreuses. En effet, qu'est-ce que la matière cancéreuse? Une lymphatique, une lymphe qui, ayant acquis les qualités chimiques de la matière variolique, et de la matière tuberculeuse, ronge et corrode le point sur lequel la circulation l'a déposé. Aussi, on le comprendra, le nombre de ces maladies s'est singulièrement accru depuis que l'on vaccine. Nous en donnons ici la preuve dans un travail statistique, publié à Berlin par le journal de Sibal, T7, et reproduit par la clinique des hôpitaux, du 27 janvier 1829. En 1823, à Berlin, dit le journal allemand, il mourut 23 personnes affectées de cancer, dont 3 hommes et 20 femmes. En 1824, la mortalité atteignit le chiffre de 40, dont 3 hommes et 37 femmes. En 1825, le nombre est déjà de 57, dont 9 hommes et 48 femmes, cela se divisait ainsi. 35 cancers de l'utérus, 7 de l'estomac, 2 de la langue. En 1826, il y eut 74 décès de maladies cancéreuses ainsi répartis entre 15 hommes et 49 femmes. 40 cancers de l'utérus, 11 cancers de l'estomac, 9 cancers du sein, 2 cancers de l'intestin, 4 de la face. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que cette augmentation, dont les bases par chiffres n'ont pas été suffisamment établies en France, a été remarquée et constatée depuis longtemps, dans nos hôpitaux et dans la pratique civile. Chapitre 5 Affections du cerveau et des facultés intellectuelles. Nous arrivons à une série de maladies qui, sans se prêter d'une manière aussi directe à la démonstration de leur origine, pourtant dérivent d'une manière bien évidente, bien incontestable de la matière variolique maintenue dans les différents organes, que ces affections prennent pour siège. Nous parlons de l'augmentation énorme des maladies du cerveau et de ses annexes. Nous constaterons d'abord la proportion devenue considérable des convulsions, des méningites, des fièvres cérébrales chez les enfants, des affections mentales, des maladies de la moelle épinière, des paralysies, des ramollissements du cerveau, qui frappent non plus comme autrefois les vieillards, mais les jeunes sujets. Avant tout, arrêtons-nous à la conséquence, la plus grave de l'action du vaccin. Les autopsies des varioles montrent que le cerveau, comme tous les autres organes, prend part active à l'épuration variolique, que cette crise lui est nécessaire, comme à tous les autres organes. Lorsque la mort vient interrompre le travail de la variole, on trouve dans le cerveau épanchement de sérosité, de pus, ou formation de fausses membranes. Comment expliquer ce même pus, qu'on rencontre partout dans tous les organes, chez les sujets qui ont succombé pendant la variole, et que vous retrouvez encore ici contenu dans la boîte osseuse? On ne peut dire qu'il est la conséquence de l'inflammation, car dans les célérités les plus violentes, les épanchements sont de toute autre nature, le pus et les fausses membranes ne sont, donc autre chose évidemment dans ce cas. Que la matière variolique dont l'élimination a été interrompue. Valex a observé chez un enfant de 10 ans, qui avait succombé à la suite d'une répercussion variolique dans la période pustulaire, la plus grande portion gauche du cerveau réduite en pus. Or peut-on penser que la matière variolique maintenue dans le cerveau, s'y comporte autrement qu'elle ne fait dans les autres organes? Si elle ne se concrète pas en tubercule, si elle n'agit pas en déterminant, une perturbation dans les facultés mentales, elle exerce néanmoins de toute nécessité, soit une compression de l'organe, soit un épaississement de sa substance, et dans l'un ou l'autre cas, en entravant ses fonctions normales, elle lui fait perdre cette action, cette énergie de principe qui en font au service de l'intelligence, un instrument si précieux et si parfait. Or qu'espérer, dites-moi, d'un cerveau dans lequel le vaccin a maintenu le principe de la petite vérole, qu'espérer d'un cerveau saturé de lymphe. Personne, je pense, à moins d'être follement spiritualiste, n'ira nier l'importance du cerveau, de ses conditions de force, de santé, d'hygiène locale, de développement et de perfection matérielle. Personne, dis-je, ne niera l'importance de cet organe dans l'acte intellectuel. On reconnaîtra donc que grâce à cette disposition particulièrement maladive, les facultés intellectuelles doivent être entravées, amoindries, doivent subir au moins une perturbation, qui sur un organe faible, peut aller jusqu'à produire la manie, l'idiotisme, la folie même. On comprendra que l'engorgement de la matière variolique dans la pulpe cérébrale, déterminera si elle ne peut être éliminée par la petite vérole, soit un ramollissement, soit un épaississement, soit une atrophie du cerveau. Aussi, les différentes affections mentales, se sont singulièrement multipliées depuis l'introduction de la vaccine. Ce fait est avéré et reconnu par tous les praticiens, mais en pareille matière une assertion vague ne suffit pas. Comme toujours, nous appellerons à notre aide les statistiques, et nous baserons notre discussion sur des chiffres précis. Chaque année le nombre des aliénés, augmente dans une proportion effrayante, le travail auquel nous empruntons les précieux documents, qui suivent n'a été fait qu'à partir de l'année 1835, mais il nous suffit, puisque la période d'âge comprise entre 30 et 40 ans, est l'époque climatérique à laquelle la folie, se déclare le plus communément. On peut donc reconnaître les premières victimes du vaccin sous ce rapport, parmi les aliénés recensés en 1835, par les soins du ministère du Commerce. Statistiques de la France, Administration publique, IM 4 degrés. Paris, 1843, page 309. Tableau statistique des aliénés. Publié en 1845, par le ministère du Commerce année, nombre des aliénés recensés proportion du chiffre des aliénés sur 10 000 habitants 1835. 14,486, 4,3, 1836. 15,314, 4,6, 1837, 15,870, 4,7, 1838, 16,892, 5,0, 1839. 18,113, 5,4, 1840, 18,716, 5,6, 1841, 19,738, 5,8. De 4,3 qu'elle était en 1835, la proportion des aliénés s'est déjà élevée, en 1841, à 5,8. Mais cela n'est rien encore, passons à 1851. Alors le nombre des aliénés recensés s'élève au chiffre énorme de 44,970, dont 24,933 traités à domicile, et 20,537 traités dans les établissements particuliers au public, c'est-à-dire que la proportion passe de 5,8 à 12,8. Sur 10 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de plus de 100% sur le nombre officiellement recensé en 1841. Il y avait donc déjà en France un aliéné sur 795 habitants. Tout vient corroborer notre thèse, jusqu'à la proportion d'aliénés, que rentrent dans la statistique générale, non seulement les diverses parties de la France, mais même les divers pays de l'Europe, suivant leur position géographique. Nous renvoyons, pour la statistique proportionnelle des départements de la France, aux Annales d'hygiène publique, tome 48, page 280-284. Nous citerons seulement, pour l'Europe, les chiffres relevés par M. Rubio, médecin de la Reine d'Espagne. En Écosse on trouve un aliéné sur 417 habitants, en Norvégien sur 550 en Angleterre 1, sur 700 en Belgique 1 sur 816 en Prusse 1, sur 1000 en Hollande 1 sur 1233. En Espagne 1 sur 1667 en Piémont 1, sur 5818 habitants. Cela est curieux, cette statistique relève un fait en contradiction directe avec les idées généralement admises, avec les probabilités qui semblent les plus naturelles, à savoir que les cas d'aliénation mentale, sont incomparablement plus fréquents dans le Nord que dans le Midi. Le contraire serait vraisemblable, les méridionaux ont une réputation d'exaltation cérébrale, de surexcitation, de multiplicité, de bouillonnement d'idées qui, aux yeux de tous, paraît bien plutôt avoisiner la folie que l'attitude infiniment plus calme des habitants du Nord. Mais tout cela n'est que conjecture, et la statistique établit tout au contraire que, dans les contrées méridionales, où la chaleur du climat vient aider puissamment la petite vérole dans sa lutte contre le vaccin, l'activité particulière du sang échauffé, exalte sans doute le cerveau, mais dans des conditions normales, louables même, tandis que, dans les pays du Nord, où le tempérament est en général lymphatique, où par conséquent l'économie humaine, a une plus grande quantité d'humeur à expulser, ou d'autre part, comme nous l'avons vu, le froid resserre les pores de la peau, où la petite vérole n'a pas une énergie suffisante pour forcer l'étreinte du vaccin, le cerveau ne s'échauffe pas, il est vrai, mais il est embarrassé par la matière variolique, il ne s'exalte pas, il se trouble, ce n'est plus la surexcitation brillante et régulière d'une nature trop riche et trop féconde, mais un désordre pathologique jeté dans le cerveau qui, loin de fonctionner trop, est entravé jusque dans les moindres détails de sa vie physiologique. C'est l'intelligence et la raison qui se débattent sous un amas de matière hétérogène. Dans l'échelle des maladies morales, juste au-dessous de l'aliénation mentale, vient la monomanie. De toutes les formes sous lesquelles se présente cette affection, la mieux caractérisée et la plus facilement appréciable est la tendance au suicide. Or celle-là aussi augmente chaque jour, on en a relevé au ministère de la Justice la funèbre statistique. Ce travail a été fait par M. Le Tertre-Vallier, et publié dans les annales d'hygiène publique et de médecine légale, par M. Doudin, 1852, T. XLVI, page 275. Voici quel a été, de 1827 à 1849, le nombre annuel des suicides en France. Tableau statistique des suicides en France. De 1827 à 1849 année nombre des suicides année, nombre des suicides 1827, 1,542, 1839, 2,747, 1828, 1,754, 1840, 2,752, 1829, 1,904, 1841, 2,814, 1830, 1,754, 1842. 2,866, 1831, 2,084, 1843, 3,020, 1832, 2,156, 1844, 2,973, 1833, 1,973, 1845, 3,084, 1834, 2,078, 1846, 3,102, 1835. 2,305, 1847, 3,647, 1836, 2,340, 1848, 3,306, 1837, 2,443, 1849, 3,583, 1838, 2,586. Total. 58,813 suicides pour les 23 années. Ce tableau nous montre un accroissement graduel, le nombre de 1827 est à celui de 1849, comme 3 à 7, il est également digne de remarque qu'aux deux années de révolution 1830 et 1848 correspond une diminution notable des suicides. Que si l'on compare le chiffre des suicides à celui de la population, par le tableau suivant, on verra qu'en 1827, on comptait un suicide sur plus de 20 000 habitants, en 1846, un sur moins de 12 000. Tableau statistique des suicides. Comparé aux chiffres de la population de 1827 à 1846 date chiffre de la population, nombre des suicides rapport des suicides à la population 1827, 31 913 393, 1,542, 1 sur 20,696 habitants. 1831, 32 560 934, 2,084, 1 sur 15,624 habitants. 1836, 33 540 910, 2,340, 1 sur 14,333 habitants. 1841, 34 230 178, 2,814, 1 sur 12,164 habitants. 1846, 35 400 486, 3,102, 1 sur 11,412 habitants. En ce qui concerne le sexe, les comptes rendus de la justice criminelle donnent pour le suicide un tableau statistique d'où il résulte que, pendant la période de 1835 à 1849, sur un chiffre total de 43,503 suicides, 10,717 appartiennent au sexe féminin, soit un peu moins du quart. En Autriche, la proportion des suicides, qui de 1819 à 1829 était de 85 sur 100 000 habitants, s'élevait déjà à 102 dans la période de 1828 à 1834. Springer, Statistider Österreichischen Kaiserstaat et 1, page 176. Il faut remarquer encore que cette manie se développe, avec l'énergie qui la pousse à son dernier terme, qui transforme plus ou moins subitement une passion, ou seulement une tendance en une volonté assez précise, assez arrêtée, assez irrésistible pour déterminer le dénouement fatal. Cette manie, dis-je, se développe non pas d'une façon épidémique, mais au moins sur une échelle beaucoup plus étendue que pendant les autres saisons. Aux époques marquées d'ordinaire par l'apparition de la petite vérole. Voici quelle a été en France, de 1835 à 1849 inclusivement, la répartition par mois de 43 000 suicides. Tableau statistique. De la répartition par mois des suicides en France de 1835 à 1849 mois nombre des suicides hommes-femmes décembre 2,655, 1,989, 666 novembre 2,802, 2,096. 706 février 2,890, 2,180, 710 janvier 3,017, 2,253, 764 octobre 3,224, 2,417. 807 septembre 3,321, 2,460, 861 mars 3,735, 2,810, 925 août 3,960, 2,998. 972 avril 4,006, 3,042, 964 mai 4,314, 3,473, 1,141 juillet 4,641, 3,550. 1,091 juin 4,685, 3,568, 1,117 total 43,550, 32,826, 10,724 moyenne 3,629. 2,753, 893. Remarquons que, de mars à août le chiffre 25,641, 19,431 hommes plus 6,210 femmes, de septembre à février 17,909, 13,395 hommes plus 4,514 femmes, différence en plus de mars à août. 7,732, 6,036 hommes plus 1,696 femmes. La statistique du Piémont montre que le maximum des suicides pour la période de 1825 à 1839 correspond tout comme en France au mois de mai. Il semble qu'au moment choisi par la nature pour la floraison des végétaux, la matière variolique sous l'influence de la saison tente vainement de s'épancher au dehors, et repoussée par le vaccin, retombe en fermentation sur le cerveau, réagit et devient la cause occasionnelle de la crise mentale, qui pousse enfin le maniaque à l'abîme. Nous savons bien que si parfois le dégoût naturel de la vie, l'ennui, le dévergondage d'esprit romanesque, le malaise moral seul suffisent à entraîner au suicide, le sujet placé dans les conditions les plus favorables au bonheur, nous le savons, ces cas sont rares, nous savons que presque toujours ceux qui se tuent, ont généralement de plus spécieux prétextes, nous savons que des chagrins sérieux, le plus souvent la misère, explique cet entraînement désespéré. Mais dans ces cas-là même n'ira-t-on, qu'il y ait faiblesse du caractère et de la raison ? Eh bien, je crois de toute évidence qu'à malheur, qu'à désespoir égal, l'homme dont la pulpe cérébrale est libre, bien saine, bien fonctionnante, et l'homme au cerveau non épuré par la variole n'agiront pas de même. Là où le dernier renonce et meurt, l'autre trouvera, sinon dans son esprit des ressources pour se relever, au moins dans son caractère la force, peut-être la gaieté nécessaire pour supporter le mal présent, et pour attendre et espérer un temps meilleur. D'ailleurs, comment expliquer cette augmentation du chiffre des suicides ? Les causes ne se sont pas multipliées. Tout au contraire, elles sont réduites, de jour en jour, les conditions hygiéniques, nous l'avons dit, sont meilleures, la misère est mieux secourue, le bien-être a été plus répandu, enfin l'intérêt et l'ambition semblent plus facilement et plus généralement satisfaits, en un mot tout semble contribuer à faire disparaître les prétextes à cette manie, et pourtant les cas de suicide deviennent de plus en plus nombreux. À quelle cause attribuerez-vous les progrès de cette maladie mentale ? On contestera sans doute notre explication, nous nous y tenons, pourtant, car elle nous semble évidente et logique. Elle vient compléter une synthèse, dont les moindres détails ont échappé jusqu'ici aux recherches de la science. Car jusqu'aujourd'hui on n'a pas pu songer à découvrir l'origine et la cause de l'accroissement désastreux de toutes les affections mentales, qu'on a pu reconnaître la cause, l'origine et le véritable remède de la fièvre typhoïde, de l'angine couéneuse, du croup, du cancer et de la phtisie. Maintenant, toujours suivant l'échelle des maladies mentales, juste au-dessous de la monomanie, il est une série d'infirmités, qui échappe à la statistique et à la pratique médicale, et pourtant rien ne saurait être plus important dans la thèse qui nous occupe. Nous voulons parler des cas alors innombrables, qui nous présentent la substance cérébrale contenant bien la matière variolique, mais en quantité insuffisante pour caractériser un état pathologique, enfin de tous les cas où le cerveau a seulement perdu une partie de sa puissance et de sa perfection. Pour l'épaississement des idées, pour la faiblesse du raisonnement, les idées tristes, hypochondriaques, on n'appelle point le médecin, et tout s'oppose à la constatation mathématique de ces phénomènes de pathologie morale. Mais s'il est difficile de prouver le fait en prenant les sujets à un, d'un coup d'œil d'ensemble, il résulte de toute évidence que le niveau général des facultés intellectuelles baisse. Or, l'état pathologique du cerveau doit être du plus grand intérêt dans la question. Voyez après la fièvre typhoïde, cet anéantissement des facultés intellectuelles, cette suppression de la mémoire, cette espèce d'hébétement qui commence dans la première période de la maladie, et qui se prolonge quelquefois pendant une année, pouvez-vous lui donner une autre cause, que l'épanchement de matière variolique qui, n'étant pas éliminé, exerce sur le cerveau la plus désastreuse compression. Car cet affaissement de l'intelligence, sans jamais disparaître tout à fait, passe peu à peu à mesure qu'il se produit, par la circulation, une résorption du liquide hétérogène. Est-il une preuve plus incontestable de l'action de la matière variolique sur le moral? Voyez alors l'intelligence et l'imagination, sinon directement, au moins immédiatement, mais de fort près aux prises avec elles. Croyez-vous maintenant que les idées nées d'un cerveau normal, ou d'un cerveau chargé de matière variolique, soient les mêmes? Voyez, dès lors, cette intelligence quand elle n'est pas bouleversée jusqu'à la folie, quand elle n'est ni obstruée jusqu'à la stupidité, ni atrophiée jusqu'à l'idiotisme, au moins quel affaiblissement, quelle impuissance. Ah, reconnaissons-le, il en est temps, cette dégénérescence morale que la philosophie nous indique, la pathologie nous la démontre, le scalpel en main. Tout va nécessairement de pair, la sympathie est étroite, à cerveau engorgé, intelligence lymphatique. Chapitre 6. Maladie de la moelle épinière. Paralysie des membres inférieurs. La substance nerveuse spinale est sujette au même genre d'affection que la substance nerveuse encéphalique. Les maladies de la moelle épinière, rares autrefois, sont devenues de nos jours très communes, et, remarquons-le, de même que la paralysie, conséquence de l'apoplexie, elle ne frappe plus, comme avant l'introduction du vaccin, les sujets de 60 ans, mais bien des individus dans la force de l'âge, c'est-à-dire les hommes de 30 à 40 ans. On connaît toute la gravité de ces affections, dont la plus commune, le ramollissement, a pour moindre résultat d'entraîner la paralysie des extrémités inférieures. Nous ne parlons pas ici de la myélite aiguë, nous nous occuperons seulement de la paralysie produite par une compression graduée de la moelle épinière. Dans ce cas, la désorganisation se fait insensiblement, les malades éprouvent un sentiment de pesanteur dans les membres inférieurs, un fourmillement sous la plante des pieds, des crampes, des inquiétudes. Ces parties se réchauffent avec peine et se fatiguent facilement. Ces premiers symptômes sont sujets à augmenter, à diminuer ou même à disparaître pendant un laps de temps plus ou moins long, puis tout à coup, sous l'influence d'une cause accidentelle, à se développer de nouveau pour faire de rapides progrès. Alors les malades se soutiennent difficilement, et sont bientôt obligés de marcher à l'aide de quelques appuis, ou même de rester une partie du jour assis ou couché. Les membres s'engourdissent, ils peuvent cependant encore exécuter quelques mouvements volontaires, mais ces mouvements sont incertains, et accompagnés de tremblements, la sensibilité, sans se perdre tout à fait, diminue graduellement, la paralysie continue, elle est souvent accompagnée de sensations morbides plus ou moins aiguës, bientôt les membres s'atrophient et deviennent complètement inertes, la paralysie a atteint son dernier degré. Alors il y a non seulement un épanchement dans le canal rachidien et ses membranes, mais aussi ramollissement complet de la substance médullaire. Les accidents ne sont pas toujours aussi graves, ils sont subordonnés à la compression plus ou moins énergique, plus ou moins étendue, exercée sur la moelle. Lorsqu'ils sont la conséquence d'un épanchement, la paralysie suit la marche progressive de l'épanchement, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins prononcée, à mesure que le fluide épanché est de plus en plus abondant. À la rigueur, une portion considérable du prolongement rachidien restée saine peut commander, sans la participation du cerveau, des mouvements de peu d'étendue. Lorsque le ramollissement ne fait pour ainsi dire qu'effleurer la moelle, il arrive souvent alors que la sensibilité et le mouvement sont en partie conservés. C'est ainsi, par exemple, qu'une jambe seule est paralysée, lorsqu'une moitié seulement de l'organe est affectée. Le ramollissement d'une moitié de la moelle cervicale entraîne une hémiplégie, la paralysie atteint les deux bras et les deux jambes lorsque la totalité de la moelle cervicale est devenue diffluente. Les causes de ces ramollissements de la moelle et de l'augmentation du nombre de ces cas sont restées jusqu'à présent parfaitement ignorées, on a seulement remarqué que cette maladie était plus commune chez l'homme que chez la femme, qu'elle affectait autrefois de préférence les vieillards et qu'elle s'adresse aujourd'hui plus communément à l'âge viril. Cette désorganisation du tissu nerveux rachidien a été le plus communément observée à la suite d'abus des plaisirs vénériens ou d'une répercussion exanthémateuse. On comprendra facilement que si la simple répercussion d'une dartre peut entraîner le ramollissement et la désorganisation de la moelle épinière, combien seront plus graves et plus désastreux encore les accidents déterminés par une répercussion de l'humeur variolique. On comprendra que cette matière qui, maintenue dans le cerveau en entrave les fonctions, doit agir de même sur la moelle épinière, et que dès lors, sous l'influence d'une cause très légère, cet organe doit être très facilement affecté. À la suppression de l'épuration variolique, doit donc évidemment être attribué le grand nombre des affections de la moelle, et on s'explique également ainsi que cette maladie, de même que la fièvre typhoïde, affecte plus communément les adultes que les vieillards. Quant à la preuve de ce travail éliminatoire, qui se passe dans le canal rachidien, de même que dans tous les autres organes, au moment de la variole, nous la trouvons encore dans la dissection et dans des symptômes spéciaux. En effet, suivez pendant le cours de la variole, les douleurs particulières qui se produisent dans tout le trajet de la colonne vertébrale, et particulièrement dans la région lombaire, ces douleurs accompagnent évidemment un phénomène particulier qui se passe dans cette région, suivez-les dans toutes les phases de la maladie, et vous les voyez diminuer, à mesure que l'éruption se fait, et enfin disparaître complètement lorsque les pustules sont arrivées à l'état de maturité. Maintenant faites l'autopsie des varioleux dans la première période, et vous trouverez dans le canal rachidien des caractères, qu'aucune autre autopsie ne présente. Chez les sujets qui ont succombé à la variole pendant le grand travail de la suppuration, on trouve le plus souvent dans le conduit rachidien, de même que dans le cerveau, un épanchement de sérosité, de pus, ou une formation de fausses membranes. Cette sérosité se rencontre également, dans l'espace qui sépare les méninges spinales. Il n'est pas permis de douter, que ces liquides ne soient la conséquence d'une élimination interrompue, et non le résultat morbide d'une infection locale, puisqu'on les trouve dans toutes les autopsies de varioleux. C'est là, je crois, une preuve matérielle incontestable de la part que la moelle épinière prend au grand travail d'élimination de la petite vérole. Les faits sont là, les faits plus forts que toutes les théories, ils viennent défier les connaissances anatomico-physiologiques actuelles, qui ne permettent pas plus d'expliquer par quelle voie s'opère l'élimination de la matière variolique hors du canal rachidien, qu'elle ne permet d'expliquer toute espèce de répercussion, de résorption purulente, ou de déplacement d'une infection rhumatismale. Pourtant il faut bien accepter le fait, et reconnaître que bien évidemment dans le cas où, comme nous l'avons dit, la paralysie ne serait pas complète, c'est-à-dire dans le cas où le sentiment et le mouvement seraient en partie conservés, la petite vérole détruisant la cause déterminante, fera cesser la compression et rétablira dès lors les fonctions locomotives. La petite vérole deviendra, donc dans bien des cas de cette nature, un moyen thérapeutique rationnel. Chapitre 7. Maladie de la circulation. Asthme, catarpleurésie, pneumonie, anévrisme du cœur et des artères. Nous avons dit qu'Urazé et les médecins anciens considéraient la petite vérole comme une fermentation indispensable à l'épuration du sang, et qu'ils donnaient, pour expliquer ce phénomène, une théorie des plus ingénieuses et des plus justes. À leurs yeux, le sang, avant la petite vérole, était à l'état mou ou de vin doux, c'est-à-dire chargé de matière hétérogène, que l'ébullition et la fermentation emportaient en écume. Grâce à l'action du vaccin, cette matière variolique destinée à être éliminée est maintenue dans le sang. Or, ce fluide ainsi surchargé parcourt, dès lors, d'une manière anormale toute l'économie, pénètre difficilement les organes, la circulation est moins active, ses propriétés vitales sont incomplètes, son action est moins parfaite, il doit imprégner chacun des tissus organiques de la matière hétérogène, qui devait être expulsée par la petite vérole. En un mot, si je puis m'exprimer ainsi, il dépose, et tout comme l'emploi d'huile non dépurée dans une lampe mécanique encrasse les rouages, amoindrit, ternit la lumière, et bientôt arrête le mouvement, ce sang engorge les organes de matière impure, ainsi entrave, ralentit leur fonction, nuit à leur nutrition, à leur développement, et, avec le temps, détermine un état pathologique. Tel est tout le secret de la dégénérescence physiologique. D'un côté, lorsqu'on a laissé agir la nature sans entrave, un sang pur et vif parcourt librement toute l'économie, prodiguant à tous les organes, dont rien ne contrarie l'activité normale, une sève généreuse, en un mot, lance tout le mouvement organique, toute l'économie est alerte et vivace. Au dehors, la nature est brillante de fraîcheur, et, pour pousser notre comparaison à l'extrême, il semble que le visage soit, en quelque façon, lumineux. De l'autre côté, dans le cas de vaccin, avant que l'état pathologique ne soit déterminé, lors même qu'il ne doit pas se produire, qu'il ne se produira pas, le principe de force et de vie n'a pourtant point sa puissance régulière, dès lors, le développement général ne peut être le même, la croissance avorte, la nature est triste, pâle, terne, le sujet n'est pas malade, il est atrophié, il ne vit pas, il végète. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les symptômes particuliers de toutes les affections énumérées en tête de ce paragraphe, seulement il est bien facile de comprendre comment elles peuvent être en question ici, puisqu'elles sont toutes spécialement, sous différentes formes, le résultat d'une altération du sang ou de conditions anormales de la circulation. Chapitre 8. Conséquences du vaccin. Conclusion. Telles sont donc les conséquences de l'emploi du vaccin, nous les avons étudiées et suivies patiemment, observées consciencieusement et expérimentées de toute façon. Cette recherche, dès le commencement de notre carrière médicale, a été notre préoccupation constante. Notre première observation date de 30 ans, et chaque année nous a apporté de nouveaux faits, qui sont venus corroborer celui qui avait été pour nous le trait de lumière. Enfin, l'ensemble de nos observations se trouve aujourd'hui consacré par toutes les statistiques administratives, et notre théorie s'appuie sur tous les chiffres officiels. Nous avons donné tous les tableaux qui constatent par chiffres l'augmentation énorme des cas de faiblesse de constitution, les statistiques des aliénés, les relevés comparatifs des suicides. Les lacunes des registres, comme nous l'avons dit, ne nous ont pas permis de suivre dans les hôpitaux le progrès des autres maladies, conséquences du vaccin pendant les 25 années qui ont précédé et les 25 qui ont suivi l'introduction de la vaccine. Ce travail ne pouvait être fait que sur l'époque contemporaine, il a été accompli avec une extrême conscience et une rare sagacité par M. Trébuchet. et peut au moins par analogie faire présumer avec quelques conditions de certitude les statistiques d'une période sur laquelle il ne reste point de documents suffisants. Nous ne pouvons citer, malgré l'intérêt qu'il présente, l'énorme travail de M. Tréhuchet, voir les TX Eliri, page 322, TX LV, page 336, TX Eliri, page 5, TX LIV, page 20 et TX LVI, page 5 des Annales d'hygiène et de médecine légale, mais nous sommes heureux d'appuyer notre résumé sur ces conclusions, de tout point conformes aux faits annoncés par notre théorie. Il ressort, dit M. Tréhuchet, des chiffres que nous venons de donner, une augmentation considérable sur les années précédentes de la mortalité causée par la phtisie pulmonaire. Ainsi, pour décès à domicile, la moyenne des années de 1839 à 1848 est de 2172 par année, tandis que pour les 8 années que nous avons données, 1831 à 1838, elle n'était que de 1679. Dans les hôpitaux et hospices, l'augmentation est plus considérable encore. En effet, la moyenne de ces établissements pour chacune des 10 années, 1839 à 1848, est de 2090, tandis que pour les 8 années, 1831 à 1838, elle n'est que de 1167. Enfin, si nous réunissions les domiciles aux hôpitaux, nous avons pour chaque année de la période qui nous occupe une moyenne générale de 4261 décès, et pour chacune des 8 années comprises dans la période précédente, 2846. Nous laissons aux hommes de la science le soin de rechercher quelles peuvent être les causes de cette proportion toujours croissante. Cependant, si nous anticipons sur les années 1849 et 1850, nous trouvons que les décès causés par la phtisie pulmonaire sont restés, à peu de différence près, dans la proportion que nous venons d'indiquer. Et qu'il y aurait même diminution, ces décès sont, savoir. Tableau des décès pour 1849 et 1850 années lieu, nombre de décès 1849, à domicile 2102, 1849 dans les hôpitaux 2000, 1849 total 4. 1-0-2, 1-8-5-0 à domicile 1-9-3-6, 1-8-5-0 dans les hôpitaux 1-7-9-1, 1-8-5-0 total 3727. Ce qui, en réunissant les deux années, donne une moyenne de 3914 pour chacune d'elles. Si maintenant nous ajoutons aux décès causés par la phtisie pulmonaire, ceux qui sont attribués au catarrhe et à la pneumonie, nous trouvons que les maladies les plus graves des voies respiratoires, telles que les tubercules et les inflammations, entrent pour près d'un tiers dans le chiffre général des décès, ainsi que le démontrent les chiffres suivants. Moyenne des décès sur 10 années cause moyenne des décès phtisie pulmonaire 4261 catarrhe pulmonaire 2222 pneumonie 2634 total 9117. Monsieur Trébuchet ajoute encore, nos statistiques établissent d'une manière incontestable que les mois de mars, avril et mai sont ceux où la phtisie fait le plus de victimes. Remarquons en passant que ces mois sont pareillement les mois fixés par la nature pour l'éruption variolique. Tandis que les mois d'automne, septembre, octobre et novembre sont ceux où les décès causés par cette maladie sont les plus rares. Mais ce qui est plus évident encore, ce qu'il est douloureux de constater, ce sont les progrès de la phtisie pulmonaire. Pendant les 10 années écoulées de 1839 à 1848, cette maladie a fait beaucoup plus de ravages que pendant les années précédentes, quoique cette marche ascendante ait paru se ralentir en 1849 et 1850. Il est facile de reconnaître, du reste, d'après les mêmes statistiques, que cette lacune laissée par la phtisie pendant ces deux années se trouve comblée par des épidémies de petites véroles et de fièvres typhoïdes. Ce qui démontre une fois de plus l'action incessante sous n'importe quelle forme, l'action inévitable de la matière variolique. Tous ces chiffres viennent généraliser les observations personnelles que j'avais déjà recueillies et groupées en 1839 et font enfin une base solide à la théorie que je pose aujourd'hui. Car alors je n'avais que des faits évidents, incontestables, mais rien que des faits dont je ne pouvais méconnaître la portée, mais dont la théorie échappait encore à mes recherches incessantes. Aujourd'hui je crois avoir atteint le but, je crois le problème résolu, j'ai découvert l'action du vaccin, action spéciale, action exclusive sur la peau, et dès lors j'ai pu comprendre bien clairement toute la théorie de la tuberculisation, et aussi l'action puissante de la nature dans la détuberculisation par la variole. La question ainsi éclairée, toutes les théories accessoires de la varioloïde, des scrofules, des tubercules, des cancers, des angines gangréneuses, et avant tout de la fièvre typhoïde, se présentaient d'elles-mêmes et toutes lumineuses, admirablement détachées sur tous les points, à toutes les phases, à tous les réseaux de ce travail merveilleux de la variole. Aujourd'hui les faits sont expliqués, et la théorie si simple de cette grande crise fait tomber sans discussion, toutes les laborieuses histoires inventées par les vaccinateurs contre le germiné. Nous les relèverons pourtant, parce qu'un corps savant a eu la faiblesse de les laisser accréditer trop longtemps sous son patronage, parce qu'il faut montrer au public éclairer toutes les pièces du débat, l'appeler enfin à juger dans une cause si grave, et le prévenir contre des arguments ridicules. C'est qu'il faut montrer clairement aux vaccinateurs de bonne foi, le mal dont ils se font chaque jour les complices. Maintenant, Comptons avec le vaccin. Quel service a-t-il rendu à l'humanité? Il a entravé les fonctions de l'organisme, il a supprimé la force et la santé, il a multiplié à l'infini les maladies les plus terribles, la phtisie pulmonaire, les scrofules, les cancers, les maladies mentales, le rachitisme, les paralysies, et enfin il a donné naissance aux croupes, aux angines coéneuses et gangréneuses. Et en particulier à la variole interne, dite fièvre typhoïde, qu'il a multiplié à ce point que cette maladie est devenue aujourd'hui presque aussi commune que la petite vérole externe. Ainsi, d'une nature puissante et vivace, il a fait cette triste race que vous voyez. En un mot, il a désorganisé les facultés cérébrales, corrodé les poumons, ulcéré les intestins, il a fait tout cela, et il ne nous a pas même préservé de la petite vérole. Il en retarde toutefois le développement, mais alors, comme nous l'avons dit, c'est une dette contractée par l'enfance qui est payée par la jeunesse. Pour quelques années d'une sécurité trompeuse, c'est un désastre dont il est facile du reste de calculer la portée. On a beaucoup maudit la guerre, on a dit la guerre, le fléau le plus terrible. On a dit, Bellama tribu de Testata. On a compté les victimes. On a parlé de l'énorme mortalité produite par l'air vicié, par les logements insalubres. On a parlé des caves de Lille, des chenils de Manchester et de Sheffield. Monsieur Blanqui a dressé ses tables effrayantes, la civilisation honteuse a nié d'abord, puis a tremblé devant cette publicité, qui semblait imprudente. On a dit, la chance de mort, au siège d'Anvers, était comme un A68, au siège de Badajoz, comme un A54, à la bataille du Waterloo, comme un A30. Pour l'ouvrier de Liverpool, la chance de mort est comme un A19, pour le tisserand de Manchester, comme un A17, pour le coutelier de Sheffield, comme un A14. Qu'est-ce que tout cela? La mère, la tendre mère, qui toute tremblante à l'idée du moindre danger que pourrait courir son enfant, le portant tout à taux vaccinateur, la mère livre et condamne elle-même bien plus sûrement son enfant. Vainement son extrême tendresse l'entoure de soins infinis, et, sur la foi des vaccinateurs, croit lui assurer de longs jours, la prospérité d'une nation, consiste bien moins dans le grand nombre des individus qui la composent, que dans la longue vie moyenne de sa population laborieuse. L'homme contracte dans les premières années de sa vie, une dette envers la société qui le nourrit et l'élève gratuitement. S'il meurt avant d'acquitter cette dette, son existence n'a été qu'une charge pour son pays et reste pour sa famille une perte sans compensation, un regret sans espérance. Cotelet, cité par M. Carnot, vainement plus tard elle le retient près d'elle, et lui impose une carrière civile, vainement sa sollicitude exagère l'hygiène, prodigue les précautions et le médecin, la tendre mère a frappé son enfant au berceau. Cette tendresse aveugle a fait à l'enfant, pour sa 20e année, la chance de mort plus terrible qu'aux soldats à l'assaut, qu'aux soldats exposés en pleine bataille à une de ces canonnades devenues proverbiales dans l'histoire militaire, car, depuis l'invention du vaccin, le chiffre de la mortalité causée par la phtisie et la fièvre typhoïde seulement est, sur les jeunes gens de 20 à 25 ans, comme un A6.